L'émission Hors-jeu vous est présentée par le danslescoulisses.com. Le danslescoulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit une nouvelle, le danslescoulisses.com. Et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daportfolio.com. Il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission Hors-jeu débute avec vos animateurs, JB Gagné et Jerry Godbout. Salut tout le monde, bienvenue dans Hors-jeu. Yes, on est de retour. Ça fait un bail, ça fait vraiment longtemps. Je m'ennuyais de mon Jerry Godbout national. Salut Jerry. Salut Joué, ça va? Ça va très très bien. Joué Gagné, votre animateur. Et on est de retour pour un gros show. Et ce qu'on se dit en dehors des ondes, c'est que pour moi, c'est un service essentiel Hors-jeu parce que tu vois, là, on a manqué deux semaines. On a demandé des passes à la palette, puis on a une avalanche de passes à la palette. On aime ça. Merci d'être là, les auditeurs. Merci d'être au rendez-vous. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, autant sur Facebook que sur Twitter. Et lancez-nous vos questions, puis nous autres, ben, on y va de notre connaissance du hockey le plus possible. On essaie d'être bon pour vous répondre. D'ailleurs, je voulais te taquiner, mon Jerry. Moi, vas-y donc. Ouais, commence avec ça. Je suis allé vérifier le pool de la soirée du podcast hier. Non, OK, on peut arrêter tout de suite. On peut arrêter. Je suis 6e, t'es 30e, puis Orgé 22e. Tu vois que c'est moi qui traîne notre duo vers le top, là. Ouais, mais ça change tout le temps. Au début de la saison, non, c'était non, point, non. Puis là, la saison n'est pas finie. Hein. On va voir. C'est sûr. La saison n'est pas finie. Ouais, ça, c'est une belle excuse. On va essayer de quand même avoir du contenu intéressant malgré le fait qu'on voit bien là, que c'est clairement moi le plus intelligent des deux. Là. Bon, hey, premièrement, je veux savoir dans tes deux dernières semaines, là, pourquoi qu'on n'a pas fait de show? Là, je veux savoir là, qu'est-ce qui s'est passé. T'es-tu prêt là? Là, là oui, je suis prêt. Là, t'es prêt? Là, je suis prêt. Et que nos horaires, c'est dur à... C'est ça. Première journée de congé depuis un bout de la semaine passée, fait que... On prend le temps de faire une émission avec toi. Ouais, je te lève aux petites heures du matin. T'as été voir une game de hockey hier? Yes. Là, ton micro il griche. Je sais pas si... Excuse. J'ai comme manqué la moitié de ta phrase. OK, je recommence ça. Fait que hier, t'es allé voir le hockey? Ouais, j'étais voir la game du 27 janvier contre les Stars de Dallas. Beau show. Belle petite game. Ouais, contre les Stars, ça s'est terminé 3-2. Carey Price a volé le match. Ouais, ben justement, y a eu, la première période, c'est elle qui a eu le plus d'action, je te dirais. Hein. Puis pour les deux autres périodes, c'est du Carey Price. Mais à un moment donné, je regardais ça, là, puis en troisième période, il y avait un mot puis un de mes amis. On regarde les tirs au but, puis on est comme... OK, il y a genre 32 tirs sur Carey Price, puis on est genre au début de la troisième. Il me semble que 32 tirs, c'est le genre de nombre de tirs que tu as à la fin d'une game. Puis, ouais. Carey Price. Il y a eu des. Je te dirais que en début de partie, les buts, là, Emlyn qui score, il a été chanceux de la mettre dedans. C'est assez pour se faire pardonner, parce qu'après ça, il s'est fait sortir. Là. Ouais, ça, on va en reparler. OK. Mais. Il est quand même bien joué. Il a un beau petit jeu défensif aussi. Il a arrêté une puck. Là. Ça, il a sauvé Carey Price. Sinon, Galchenyuk, que dire de son but? C'est des mains en or. Oui, ben c'est ça. Le talent, il sort par les oreilles. C'est juste c'est d'établir une constance. Oui, c'est ça. Puis Gallagher, dans le fond, avec son troisième, le troisième but du match, il l'a travaillé. Puis il a un beau petit but en power play. C'était super, sérieux. T'étais satisfait de ta soirée? Oui, quand même. Je te dirais que vers la fin, j'étais comme OK. Là, j'avais peur qu'il remonte. Là. Mais sinon, en tant que tel, c'était une belle game. Ah, parfait. On a une couple de sujets. Je pense qu'on a de la matière pour jaser pas mal. Je vais te laisser aller avec ton premier sujet. Mon premier sujet, ben en fond, c'était sûr que je voulais l'aborder parce qu'on en avait parlé il y a longtemps quand il était revenu au jeu et qu'il avait signé un contrat d'une année avec une certaine équipe qui s'appelle les Blues de Saint-Louis. Oui. Donc, on va parler de Martin Brodeur. Qui a annoncé sa retraite hier. Ouais. Et voilà. Donc, Martin Brodeur, le nouvellement retraité. Ben regarde, de un, bravo, très belle carrière. Je sais qu'il nous écoute présentement. Donc, bravo Martin pour ta carrière. Non, ben c'est pas le seul. Il nous écoute tout. Ben oui. Il faut pas que tu spécifies que lui nous écoute, là, il nous écoute tout, man. Ah, ben là, c'est parce que je parlais à lui. Là. Ok, c'est bon. Donc, une super carrière. Bien évidemment, son contrat n'est pas fini, fait qu'il va rester encore à l'œuvre pour les Blues de Saint-Louis. Je pense qu'il va aider le DG. Donc, après ça, je crois qu'il s'en retourne directement avec les Devils du New Jersey. Ce gars-là, c'est clair qu'il y a déjà un poste là, qui l'attend. Là. Vraiment? Ben, moi, je pense que oui. Parce que, tu sais, on a vu d'autres, là. On a vu des Shanahan qui ont passé toute leur carrière, des Heisman, toute leur carrière avec les Red Wings. Puis après carrière, ils ne sont pas avec les Red Wings. Non, c'est sûr, mais je pense que j'avais lu à quelque part justement qu'il finissait cette année avec les Blues de Saint-Louis parce qu'il est sous contrat avec eux, puis qu'après ça, il retournait avec les Devils. Ça s'est demandé si le gars il va vraiment tout faire pour aider l'autre équipe, là. Ouais, ben, ils sont dans l'Ouest, ça fait que c'est pas si pire. Mais voilà, d'après moi, ils sont déjà en train de rénover un bureau, puis ils mettent une plaque en or dessus, Martin Brodeur. Ouais, sûrement. Penses-tu que Martin Brodeur a ce qu'il faut pour travailler dans les hautes sphères? Parce que là, il est bras droit d'un DG. Là. Ça veut dire que pouvoir décisionnel, ça veut dire que c'est lui qui dit « OK, tel jeune, c'est lui qu'on va repêcher. Tu sais, t'as le dernier mot en tant que DG. C'est lui qui dit « tel gars, on va le chercher dans les transactions. » Tu sais, il y a quand même du pouvoir là, à ce niveau-là. Devrait-il pas apprendre au bas de l'échelle, commencer un peu comme dépisteur professionnel ou quelque chose comme ça, puis grimper tranquillement les échelons? C'est pas parce que t'es un joueur étoile que tu vas devenir un gérant étoile. Ben, en fond, Martin Brodeur, en certain, je pense pas que même si il est assistant DG, ben, c'est ce qu'ils disent. Je pense pas que c'est lui qui va prendre les grosses décisions du genre échanger un tel joueur pour un tel joueur ou des trucs comme ça. T'sais. C'est sûr que il était dans le vestiaire un peu. Il connaît la game un peu. Il va peut-être s'arranger pour aller chercher des joueurs aux Devils aussi. Non, ça... Il va aller chercher le bois mort des Devils. Ouais, c'est ça. Non, mais d'après moi, il est là pour apprendre un peu les dessous du métier. C'est sûr que c'est pas comme Patrick Roy, quelqu'un qui est arrivé, let's go, grosse affaire, t'as le droit de faire ce que tu veux, puis tu l'as tralala. Ouais, mais il avait fait son apprentissage dans le junior. Il avait fait ses preuves. Là, il arrive direct dans la Ligue nationale, numéro 2 de l'organisation. T'sais, c'est un peu intense. Hein? Ah, c'est sûr, mais... c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils ont dit sur Internet, des trucs comme ça, mais peut-être que ça va changer en cours de route. Là. Il va peut-être se ramasser à faire du... Pas du... Du scouting, là, si on veut. Je penserais pas, ça serait du promenage partout. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que c'est ce que rêve de faire Martin Brodeur, d'aller faire de l'autobus puis de se rendre de ville en ville dans la Ligue américaine pour aller scouter des gars. Là. C'est sûr. Mais ils vont en trouver de quoi, là, ça c'est sûr. De toute façon, comme je dis, il finit l'année là, puis après ça, lui, c'est clair qu'il s'en retourne aux Devils. Je veux dire, il y a déjà une maison là-bas puis tout. Même s'il retourne pas nécessairement avec les Devils, il va retourner au New Jersey, ça c'est quasi certain. Là. Ben. Moi, je le verrais genre préfet de discipline ou quelque chose comme ça dans la Ligue nationale. Je sais qu'il y a déjà quelqu'un, là, il y a Quintal qui est là, mais... Ouais, mais il peut prendre un assistant. Ouais, non, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que Martin Brodeur a toujours été un joueur extrêmement impliqué dans tout ce qui est réglementation. Me semble que ça pourrait être un bon lien entre les propriétaires, les DG et l'association des joueurs. Me semble que la Ligue nationale, moi, je l'embaucherais et je le mettrais comme... relais là, entre les deux parties, ça pourrait être intéressant. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, ça, c'est à voir. Là. C'est Quintal, puis on va reparler de Quintal tantôt, parce qu'il s'est passé de quoi hier. Mais peut-être. Là, avant, il y avait la team Shanahan-Quintal. Là, ouais. Ça pourrait être Quintal, puis tu greffes Brodeur à cette équipe-là. Ça se pourrait, là, je veux dire. Surtout que lui, il a le côté gardien de but, tu sais, fait. Tu sais, des fois, il se passe des trucs avec les gardiens, là, des joueurs qui foncent dedans délibérément. On parle de Chris Kreider ici, en passant. Ouais, qui a refait ça encore hier. Ouais, justement. Peut-être que lui, il pourrait mettre son grain de sel, faire regarde, ça se fait juste pas les affaires de même. Puis, en tout cas, ça pourrait être quelque chose de très bien. Mais moi, je prédis peut-être plus un retour avec les Devils. Ils vont y trouver de quoi, là, à quelque part. Là. Ouais, un titre honorifique, là. Président de la cafetière gauche. De l'avantage numérique, genre. Ben oui, directeur général de l'équipe d'entretien, genre. Ouais, voilà. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu du match des étoiles. On va y revenir, d'ailleurs, avec les passes à la palette. On a beaucoup jasé du fait d'avoir un vote du public. Ça a donné 5 joueurs des Blackhawks. Ça a donné le laiton des Sabres de Buffalo, Zingus Gergensen. Et moi, je me suis demandé, si on refaisait un alignement de départ, qu'est-ce que ça donnerait? Je veux qu'on fasse ça ensemble, Jerry. Tu comprends le concept, là? 3 attaquants, 2 défenseurs, 1 gardien de but. C'est pas le problème. S-Ouest. On va commencer avec l'Ouest. Ouais. Quel gardien tu verrais, toi, dans l'Ouest? Je m'en allais dire Howard. Mais il est rendu dans l'Est. Moi, je mettrais Brian Elliott, là. Ouais, ben là, c'est sûr qu'avec les... Mais en même temps, lui, je trouve que ses stats sont trompeurs. Sont trompeuses parce qu'il a été blessé. Même, il a des bonnes stats, là, mais il a pas goalé autant de games que d'autres. Ouais, non, c'est sûr. C'est un travail plus partagé. Jake Allen fait très, très bien aussi pour un gardien recru avec la formation. Je peux comprendre. C'est sûr que Howard, ça aurait été le choix logique, mais il est blessé actuellement, fait qu'il faut y aller avec les blessures. On peut pas le choisir. Ouais, de toute façon, Howard, il est plus dans l'Ouest. Oui, c'est vrai, là, les Red Wings, ils ont changé de bord. Hey, ouais. On est sur la coche. Mais, écoute, c'est sûr qu'Eliott, en plus, bonne attaque, fait que ça peut juste l'aider. Ouais, on va y aller avec Eliott, là, je veux dire, c'est clair que c'est un bon goaler. OK, on élimine du monde, OK? Mike Smith des Coyotes, on oublie ça, saison de boîte. Les Hurricanes, on oublie ça. Les Oilers, on oublie ça. Il y a une couple de clubs mauvais qu'on élimine tout de suite les gardiens de but. Ryan Miller avec les Canucks, pourrait être un candidat. Ouais, effectivement. Surtout qu'il est revenu. Il a aidé Vancouver à revenir un peu sa traque. Au pire, t'en choisis deux. Tu mets Elliott puis Miller comme deuxième. OK, c'est bon. OK, c'est bon. On deal de même. Défenseur. Défenseur. Toi, tu vas me sortir Doddy, là, tu sais bien. Non, même pas. Même pas? Non, je prendrais pas nécessairement lui. J'y étais plus avec les stats de cette année, mettons qu'on fait notre All-Star de cette année. Écoute, force est d'admettre que Giordano sort son épingle ouais, en tabarouette, lui, cette année. Il n'y a pas le choix d'être là. Effectivement. Puis il y a Kevin Shattenkirk aussi que je donnerais à Saint-Louis. Intéressant. Saison, proche de plus 20 ou je sais pas quoi, dans le genre. Là. Moi j'embarque là, avec ces deux-là, je suis ben d'accord. Là. Ça pourrait être quelque chose. Puis en passant, justement, mais comme goaler, on pourrait peut-être y aller avec Pécoriné aussi. Ouais, mais il est blessé actuellement. Ouais, mais quand même. Ouais, mais oui, quel stats. Ce gars-là, s'il était moins fragile. Là. Ouais, effectivement. S'il serait moins fragile, mais ça, c'est parce qu'il est grand, tu sais. Il a plus de chances qu'il brise. Oui, exact. Parce que plus t'es grand, plus tes os sont fragiles. C'est connu. Ouais. Sinon, en attaque, on met qui? En attaque, au centre, moi, j'avais un petit. C'est là que j'avais de la misère. Je me disais Getzlaff, qui est un peu le prototype parfait du centre numéro 1. Ouais. Sinon, il y a Seguin. Je te dirais que c'est les deux que je mettrais comme centre. Ouais, mais pour le All-Star, tu peux en mettre un à l'aile. Là. Tu peux mettre. Mais en même temps, oui, puis non. Ok, tu veux respecter les positions. Moi, je t'aurais dit de la boîte, là, on le tasse. Là. Mais, ok, c'est bon, on respecte les positions. Fait que lequel? T'en coupes un des deux. Là, tu t'en sauveras pas avec deux gardiens, là, puis deux centres, puis non. Alignement partant, là. On va choisir 23 joueurs, finalement. je vais y aller avec Getzlaff, d'abord, parce que c'est vraiment... surtout cette année, là, Perry a été blessé une majeure partie de la saison, puis lui, il a continué de produire. Ouais. Puis il est gros, je sais pas, il l'a, là. On est capable de trouver une place pour Forsberg à l'une des ailes? Penses-tu qu'il est capable de se faufiler sur notre alignement partant? On pourrait, ouais, parce qu'il a une méchante bonne saison à date. Ah oui, là, non, c'est plus. C'est pas calibre cru, là, c'est calibre All-Star NHL. Là. Ouais, il est à plus 25, il 44 matchs. Non, il a 44 buts, pas 44 buts, 44 points en genre 45 matchs, je pense, quand genre. Oh, ouais, c'est une, ouais. Une machine, là. Non, ça, c'est sûr que lui, il va être sur une de nos ailes. Sinon, ben, à l'autre aile, moi, je mettrais Patrick Kane. Ouais, c'est pour le spectacle. Ouais. Pour le show. Ouais, le show, puis ben, il est juste sa coche aussi, là, mais. OK, moi, je suis à l'aise avec ça. Dans l'Est, commençons avec l'attaque, puis on reviendra de l'avant vers l'arrière. C'est bon. Mais l'attaque, moi, je trouve ça assez facile, dans le sens que au centre, moi, je mettrais Crosby, juste parce que c'est ça, okay. le meilleur centre. Après ça, on n'a pas le choix avec Stamkos sur une des ailes. Ouais. Non? Ben, ouais, à la base, c'est un centre, là, mais... Tu peux le mettre à l'aile, il n'y a pas de problème. OK, non, OK, on garde aile pour aile, puis dent pour dent. Ouais. Donc, OK, pas Stamkos. Qui qu'on met à l'aile? Voracek, faut le mettre, là. C'est sûr, Voracek, il fait partie de tes ailes. Non, moi, je vais avec le choix populaire d'Ovechkin, parce que c'est Ovechkin. Mais c'est sûr que Stamkos... Non, mais attends un peu, là. Ovechkin, tu mets Ovechkin avant Pacioretty? Ben... Parce que là, c'est buteur pour buteur. Là. Lequel qui est le plus qui le mérite le plus? Ben, 27 buts Ovechkin. Juste okay. Même. C'est bon. Pacioretty en deux. Moi, je pensais que j'allais réussir à le faire second guesser ta réponse là, sur Pacioretty. Je vais y aller avec, tu sais, une petite pointe au cœur. Non, ça, OK, c'est bon. Non, ben moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a déjà dit à un moment donné, quand on fait un pool, il faut jamais prendre le joueur du Canadien. C'est vraiment le même principe qu'un pool. C'est bon. Sauf ouais. Price. Price est en train de nous faire mentir. Ouais, ben ça, c'est pas pareil. Là. D'ailleurs, Price va être notre gardien. Ouais, ça, effectivement. C'était sûr. En défense, parce qu'il y a un deuxième Canadien qui va se faufiler. Ouais, peut-être. Ah, finalement, hein, j'écoute pas pantoute tes conseils. Non, hein? Ben, moi, à défense, je mettrais Subban puis Christopher Le Temps. Ils sont assez rapides. Subban peut t'apporter l'élément physique. Il patine, il contrôle la rondelle, même si des fois, il l'échappe. Non, c'est. Puis il y a le show, le même principe que Patrick Kane. Puis Le Temps, il est fiable, il est bon en attaque lui aussi. Je pense que t'aurais une méchante bonne défense avec ça. Ouais. Dans ceux qui ont été nommés, là, les cinq Hawks plus le Letton, penses-tu vraiment que le Letton avait sa place là? Non, pas en tout. Non, hein? Pas en tout. Maudit règlement de un joueur par équipe. Ouais, mais un joueur par équipe, puis en même temps. Plus trois de l'équipe locale, là. Ouais, puis lui, il a été voté en plus. Fait que, c'est pas comme si c'était le joueur qui a été sélectionné parce que c'était le seul de son équipe. Il a été voté. Ben, il l'aurait probablement été. Moi, si j'avais été de la Ligue nationale, j'ai besoin de nommer un gars des Sabres de Buffalo. À part si tu y vas avec une réflexion de lequel qui a, comment je dirais ça, un aura de All-Star, même si ses performances sont moins bonnes. Là, tu te dis, OK, peut-être Matt Molson, tu sais, peut-être Tyler Myers, tu sais, pourrait servir pour aller au match des étoiles. Par ça, là, vraiment, en termes de talent, cette année, Gergutson serait le gars qui aurait pu représenter les Sabres. Ouais, c'est sûr. Mais moi, c'est. En tout cas, on va en reparler, là, mais moi, le règlement d'un joueur par équipe, là, si t'es pas bon, t'es pas bon, puis tu mérites pas d'être là au match des étoiles, c'est une récompense pour le succès de ce poète-là. Ça dilue tout simplement. Le calibre des joueurs qui se présentent au match des étoiles. Un gars qui est dans une mauvaise équipe pendant 10 ans, si à tous les années c'est le meilleur gars de la mauvaise équipe, il va avoir été au match des étoiles 10 fois. Tu sais, c'est. Puis un gars dans une bonne équipe, un bon joueur, lui, va une fois de temps en temps, va alterner, puis il n'ira pas aussi souvent. Fait qu'on va se dire à la fin de la carrière, ouais, ben lui, t'es bien meilleur, celui de la mauvaise équipe, parce qu'il était plus souvent au match des étoiles. Oh, à ce temps, tu peux tellement plus de filles là-dessus. Je veux dire, juste année en plus, tu pourrais facilement en compter 10 assez rapidement là, qui n'ont pas été au match des étoiles puis qui auraient dû y aller. Ouais, ça fait. Moi, je trouve ça grandement perdu en crédibilité. Vraiment. OK, fait que ça, c'est fait. Nos alignements partant, on reviendra sur le match des étoiles autrement, là, un petit peu plus tard dans les passes sa palette. Le monde qui s'est défrayé, je pense que Je pense qu'on ne peut plus sauter des semaines. C'est en train de pleurer. Il y avait des manifestations qui se préparaient, mon Jerry. Ouais, du piquage en face de chez nous. Ben écoute, faut deux surtout groupes. Pas donner nos adresses. Hein? Non. Jerry, deuxième sujet de ton bar. Mon deuxième sujet, je sais qu'on en a déjà parlé, j'en reviens encore sur un joueur en particulier, un certain Cyclope. Ouais, Manny Malhotra. Manny Malhotra. En plus, surtout qu'aujourd'hui, il y a eu Gabriel Dumont qui a été rappelé par le Canadien. Moi, je pense qu'il a été rappelé pour mettre Malhotra sur, dans les estrades. Ben, ça a coûté un but, hein, sa présence. Ouais. En fin de première. Moi, j'étais en beau tabarouette contre lui, là, sérieux. Là. En tout cas, Malhotra, ma question est, est-ce qu'il est encore nécessaire? Je sais qu'on en a déjà parlé un peu, mais je veux revenir surtout avec le rappel de Gabriel Dumont, qui, selon moi, peut... Écoute, c'est un quatrième trio, là, je veux dire... Puis comme tu le répètes souvent, ton bon ami Scotty Bowman, qui disait que trois trios, c'était bien en masse... Oui, puis Scotty, quand on allait prendre un café dans le temps, là, puis jaser de hockey, là, avant qu'ils deviennent hot, là, puis tu sais que j'ai tout donné mes trucs, puis qu'ils les utilisent, là, ouais. on se disait ça, nous autres. Là. fait le rappel de Dumont me force à croire que Manny Malhotra n'est pas nécessaire aux Canadiens à Montréal. En tout cas, il est de plus en plus moins. Ça se dit pas, hein. Mais de moins en moins nécessaire. Ouais, on va dire plus dans ce sens-là. Ouais, ben, en conférence de presse hier, on a second-guessé Michel Therrien suite au match. Et Michel Therrien s'est défendu en disant « Oh, c'est l'affaire la plus facile au monde, là, de second-guesser. » Puis il a répondu en français. Et quand on lui a posé la question en anglais, c'était la même affaire. Là. Donc, vraiment, il était pas content de se faire questionner là-dessus. Et dans sa réponse, il a dit « Manny Malhotra, c'est le meilleur de la Ligue nationale pour prendre les mises en jeu. » Donc, de le mettre là, à ce moment-là, pour moi, c'était le choix logique. Sauf que en fin de troisième, dans une situation semblable, mise en jeu en fond de territoire, quelques secondes à faire seulement au cadran, ben écoute, il a mis deux centres. Comme ça, s'il y en a un qui se fait tasser de la mise en jeu, t'en as un deuxième. Donc, il a lui-même appris de son erreur. C'est correct de faire des erreurs, mais il a lui-même appris de son erreur. Puis après ça, quand on le questionne, il voulait pas l'admettre, l'erreur. Un petit peu de misère avec ça. Ouais, mais... Tu sais, c'est parce que l'affaire, là... Mettons, là, je vais comparer avec d'autres joueurs de la Ligue nationale, là. Comme Manny Malhotra, là, il est à 101% d'efficacité en mise au jeu. Ouais. Ce qui est quand même très bien. C'est le numéro 1 dans la Ligue, là. Je peux pas... Des stats le disent, là. Sauf que... Encore une fois, je le compare avec d'autres joueurs. Patrice Bergeron, lui, il est 58.9. Sauf que Patrice Bergeron, lui, je veux dire, il est nécessaire ailleurs. Il y a combien de points de plus que Manny Malhotra? C'est un ou deux, là? Ouais, c'est ça. Hein? Non, ou deux, là. C'est vraiment serré entre les deux. Ah non, mais en tout cas, Manny Malhotra, c'est, je veux dire, c'est bien beau qu'il soit bon là, dans les mises au jeu, mais il fait rien d'autre. Je l'ai dit au dernier show, là. C'est sûr qu'au banc, il y a quelqu'un qui est attitré au lasso. Ouais, c'est ça. Non, mais il flippe le lasso, puis whoop, il accroche le bœuf, là, puis là, il les ramène au banc. Là. C'est clair que c'est ça, là. Totalement. Puis, tu sais, je veux dire, si on compare avec d'autres joueurs du Canadien, parce que là, je prends, mettons, le classement de la Ligue complète, là. Manny Malhotra, il est premier. À 54.6, dans notre cours à nous, on a Lars Eller. Ouais. Tu sais, je veux dire, pour le degré de pourcentage différent entre lui et Manny Malhotra, je mettrais plus Lars Eller. Puis encore, ça m'a surpris, là. David Desharnais, 54.1. Ça, ça veut dire que sur 100 mises en jeu, il en gagne 54. Puis sur les mêmes 100 mises en jeu, Manny Malhotra va en gagner 62. Hey, c'est une grosse différence là, sur 100. Là, c'est... Mais c'est ça, tu sais. Puis en tout cas, moi, je me dis que rendu là, si Lars Eller et David Desharnais est capable de gagner plus que 50% de leur mise au jeu, il est plus nécessaire. Surtout qu'il fait que ça. C'est que ça. Je veux dire, hier, je l'ai regardé après qu'il ait accordé la mauvaise mise en jeu puis que ça coûte un but. T'as mis un œil sur le dossier, là. Vraiment. puis je l'ai checké aller sur la glace, là. Hey, je fais des jokes d'œil. C'est Ok, j'avais pas catché pour vrai. Mais non, oui, mais. Oui, continue. Non, mais en tout cas, je le regardais aller, puis. Tu sais, il joue avec des jeunes comme Thomas puis Bournival. Puis j'étais en train de me poser la question en le regardant jouer. Est-ce que c'est un boulet pour Bournival puis Thomas? Bournival, sa force à la vitesse. Avec Malhotra, c'est non, sûr que ça s'annule. Puis avec Thomas, excuse-moi, mais il patine en tabarouette. Ah oui. Puis Bournival, moi, ce que j'aime en plus, c'est qu'il est travaillant. Mais on dirait qu'il. Je sais pas, hier, tu le regardais jouer, puis des fois, il allait à quelque part, puis Malhotra, il allait à la même place. Puis on dirait qu'il bloquait ses joueurs. En tout cas. Je sais qu'on n'aime pas parler de salaire là, avec le Canadien, parce qu'on se dit que c'est pas nous autres qui le payent. Mais Malhotra est à 850 000 par année. Gallagher est à 650. Bournival est à 650. Et Thomas est à 810. Fait que ça veut dire qu'il est mieux payé que ces trois gars-là qui sont des marchands de vitesse, oui, petits, mais qui sont pas mal plus utiles que lui. Fait que, tu sais, ça met ça encore en plus en perspective là, de dire que, tu sais, Manny Malhotra, oui, c'est pas un gros contrat. Oui, ça finit à la fin de l'année, mais c'est le temps que ça finisse. Oh, ben écoute, il reste une quarantaine de matchs, même pas. Pis... C'est quand même à 850 000 dans la Ligue nationale, on peut considérer que c'est trop payé. Ah, ouais, non, mais. Tu sais, je veux dire, surtout comme si tu donnes l'aspect vitesse, ce gars-là ralentit. Ben, il peut plus ralentir, il est sur le neutre, là. Ah, ouais, non, totalement. Puis, t'en as plus nécessairement besoin. Puis, je suis content qu'il ait juste signé une fois. Puis, le pire, c'est qu'en début de saison, là, moi, je l'ai re-signé une autre année. Là. Parce que justement, à cause de son apport, mais on s'entend que c'est en début de saison. Là, je voyais pas Lars Eller et David Dernier prendre autant de bonnes mises en jeu. Je leur signais parce que je me disais, crème, c'est important finalement cet aspect-là. C'est sûr, je peux pas négliger non plus son aspect dans la chambre parce qu'on le voit avec 24CH. Le gars, il parle en tabarouette. Puis tu sais, il est impliqué. C'est sûr qu'il y a du leadership et tout. Là. Ouais, mais il y a pas un gars qui sait lequel qui regarde. N'est-ce pas? Ouais. Non, mais... Joke d'œil! En tout cas, je sais pas. Est-ce que ça m'apporte à croire que est-ce que son salaire ou sa place dans l'équipe, ça serait juste du son leadership puis bien parler. Puis comme j'ai dit, je pense à l'ancien l'autre épisode juste avant, l'épisode de Maurice Richard. Hey, on est dans la fleur, by the way. Ouais, on est dans la fleur. On va se prendre un hot dog. Avec une bonne saucisse, la fleur. Bon, allez, okay. Ça. On continue, c'est bon. Moi, je me dis... Je te coupe pour rien. Non, c'est pas grave. Manny Malhotra, je le vois plus en tant que coach, justement, avec les aspects. Puis c'est ça que j'ai dit dans l'autre épisode. Quand c'est rendu que tes forces, c'est juste de bien parler dans la chambre puis d'être un bon leader. Fait qu'on tousse bien de le couper, de donner une job comme assistant DG, puis à la fin de la saison, il va retourner avec les Devils. On pouvait. Tu dis, je joue avec les Devils, c'est pour non, rien. Non. Je faisais une joke avec Brodeur. Il y a plus de choix que Brodeur. En tout cas, il pourrait leur tourner avec la Caroline, avec Vancouver. Ouais, mais tu sais, oui, c'est beau, genre, d'avoir un peu de leadership, mais à un moment donné, c'est parce que si tout ce que tu dis, t'es pas capable de le mettre en application, puis que à tous ceux à quoi tu dis des choses sont capables de mieux faire les choses que toi tu demandes. Ça a comme plus sa place, là. Tu sais, c'est parce que papy, arrête, là. Je le fais mieux que toi, là. T'as pas de leçon à me donner, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si tu peux faire des parallèles avec, mettons, Josh Georges, qui était aussi une très grande présence dans la chambre, c'était pas le meilleur def. Il y avait une stat qui était vraiment super haute, puis c'était les tirs bloqués. Ouais, ça, c'est du dévouement envers l'équipe. Pis ça, dans la Ligue nationale, comme Alice Batt, là, ça a une très grosse cote, ça forge l'esprit d'équipe. Ça devient très rassembleur. Fait que, tu sais, Georges avait le droit de le faire parce qu'il se commettait pour l'équipe. Manny Malhotra ne fait rien, à part les mises en jeu, qui est en mesure de le positionner par rapport à ses coéquipiers comme étant un élément essentiel, un élément important au succès de l'équipe. Là. Non, mais c'est ça. Fait que, est-ce que une statistique parmi beaucoup te donne une place dans une équipe? Je pense pas. Puis Georges, en plus, là, parce que là, je dévie vers Georges, là. Georges, cette année, là. Ah, il est en dépression, là. Moi, je fais... Pour vrai, je pense que... Puis c'est vraiment pas pour rire de la dépression, mais je pense clairement que Josh Georges, actuellement, côté moral, ça va pas bien et qu'il va avoir besoin de se ressaisir Je pense que mentalement, la transaction lui a fait grand mal. Lui, il avait vraiment le CH de tatoué sur le cœur. C'est dommage, hein? C'est son contrat qui l'a sorti. S'il avait été payé à moitié moins, on l'aurait gardé. Là. C'est pas parce que le gars était pas utile, c'est pas parce que le gars était pas aimé. C'est son contrat qui l'a sorti de Montréal. Puis, je suis pas psychologue, là, mais il y a peut-être des traits de dépression là, dans le... Parce que il a changé en tabarouette, là, je veux dire, la barbe, les cheveux, tout, on dit que c'est plus le même gars. Là. Non, le gars se laisse aller. Là. Mais ça m'amène vers autre chose. C'était pas vraiment un de mes sujets, mais on va en parler bien, bien vite. Oui, OK. On va parler d'un autre sport pendant 2 secondes. Ouais, vas-y. Tom Brady. Ouais. Lui qui a décidé de comme repartir son contrat. Tu sais, comme déchirer son contrat, puis il a fait « Regarde, je vais re-signer pour moi parce que je veux rester avec l'équipe puis je veux que tu sois capable de d'avoir les moyens d'attirer d'autres joueurs pour qu'on gagne encore et encore. » Ouais. C'est-tu quelque chose que tu ferais, tout dans d'autres sports? Puis là, on parle plus d'hockey, mais ça serait-tu quelque chose qui serait faisable? La différence que je vois, c'est que les contrats ne sont pas garantis dans la NFL. Donc, à n'importe quand, tu peux mettre fin, si t'es l'équipe, tu peux mettre fin à une entente avec un joueur sans aucune pénalité. Mais est-ce que c'est le cas dans la Ligue nationale? Non, si les contrats sont garantis. Par contre, tu peux prendre ta retraite, comme on a vu avec Kovalchuk, qui est parti pour la KHL, mais il n'est pas resté dans la Ligue nationale. Tu pourrais pas prendre ta retraite pour venir dans un club de la Ligue nationale, genre 3 semaines après, là. Ça marcherait pas. Là. Fait que je pense pas que tu puisses renégocier ton contrat à la baisse. Hein. Non, mais moi, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je... Ben, pas nécessairement, mais... Tu sais, comme à la fin d'une saison, même dans NBA, ils font ça. Là, justement, on parle d'autres sports. LeBron James, qui lui, à la fin de l'année, il me dit, bah, il me restait encore 2 ans ou 1 an, je pense. Il a fait, moi, regarde, je déchire mon contrat, je m'en vais ailleurs. T'sais. Écoute, j'avais vu un reportage, je sais pas si c'était un documentaire ou quoi que ce soit, mais c'était par rapport aux Red Wings de Détroit. À un moment donné, il voulait aller chercher un gars. Je sais pas c'est lequel. En tout cas, le DG de l'époque avait été voir les gars dans son équipe. Je pense que c'était non, je peux pas m'avancer un nom, là, mais il est allé voir les leaders de son équipe et il dit, là les boys, si on veut pouvoir aller chercher la Coupe Stanley, moi je pense que ce joueur-là est celui qu'on devrait viser. Le problème, c'est que, et c'était avant l'ère du plafond salarial, le problème, c'est que dans les poches du propriétaire, on n'a pas l'argent pour aller le chercher. Ça vous tente-tu de gagner une coupe, les boys? Là, ils ont fait de même. Ouais, OK. Ce que je vous propose, c'est de prendre une partie de votre salaire et de le verser en salaire à ce gars-là, dont je ne me rappelle pas le nom. Et dans le fond, on va vous le remettre, mais sur les prochaines saisons, on va l'étaler sur les prochaines saisons, on va réarranger un petit peu votre contrat. Vous allez avoir votre argent éventuellement, mais ce ne sera pas cette saison-ci puisqu'on va prendre cet argent-là pour se permettre d'aller chercher l'autre gars. Et ça avait fonctionné. L'équipe, les trois gars, les trois leaders de la formation, probablement que Eisenman, Shanahan et Lidstrom étaient les trois gars, là, mais je ne peux pas confirmer, avaient accepté. Probablement, ils avaient coupé genre 1 million de dollars sur le salaire chacun pour permettre d'aller chercher le gars en question. Et ça avait marché, la formation avait gagné les séries, avait gagné la Coupe Stanley. Mais avec le plafond salarial maintenant, tu ne peux plus faire ça. Je pense que c'est dans la convention collective, il n'y a plus d'arrangement comme ça. Avant le plafond, tu avais plus de liberté, tu pouvais échanger des contrats et payer une partie du salaire, des choses comme ça. Tu sais, Wayne Gretzky a été échangé contre de l'argent, là. Ouais. Somme toute, là, oui, il y avait des joueurs, là, mais c'est surtout de l'argent qui compensait le. Mais maintenant, c'est plus ça. Faut que tu échanges un contrat. T'sais. Mike Richards, je l'avais dans ma liste, mais t'sais, on va passer ça bien, bien vite. Au ballotage, le but, c'était qu'une équipe le ramasse puis qu'il ramasse 100% du salaire. Mais comme on a déjà vu avec les Canadiens de Montréal, René Bourque était passé au ballotage et il était échangé contre un autre joueur. C'est que les équipes veulent plus absorber 100% du salaire. Ils vont aller chercher le gars, oui, mais. L'équipe qui donne le joueur, on va lui demander d'absorber le salaire d'un autre, comme on a fait avec le Canadien et les Ducks. Okay, toi, tu ramasses Bourque, moi, je ramasse Allen. C'est des mauvais contrats, les deux. Peut-être que ça va mieux fitter chacun de leurs bars. Voilà, tu sais. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant avec le plafond salarial. Tu ne peux plus faire d'échange de salaire. T'sais, tu ne peux pas échanger de l'argent. Tu peux décider de prendre une portion du salaire là, de ton joueur, mais tu peux pas faire une échange joueur contre juste de l'argent. Ok, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Là. En tout cas, moi, c'est une piste. Là. Mais je pense que dans le règlement actuellement de la Ligue nationale, tu ne peux pas renégocier un contrat. Tu ne peux pas réouvrir un contrat pour le modifier. Comment je le ferais? Ça dépend. Voir. Ça dépend de ta relation avec l'équipe. Ça dépend de ta relation avec l'argent, ta relation avec les décideurs. Tu sais, les Red Wings, c'est une famille, là, on s'entend. Là, les gars étaient là à vie. Là. C'est... Et ça, ça paraissait là, dans la démarche. Écoute, on a l'opportunité. Ce gars-là, pensez-vous qu'il peut nous aider à gagner la Coupe cette année? Yeah, you're right. T'sais. Ben voilà ce qu'on fait pour y arriver. À cette heure, dans la Ligue nationale, plus sûr que ça existe. T'sais. Même ben, Martin Brodeur a changé d'équipe. Là. Ouais, puis le bleu et jaune, il faisait vraiment pas bien. Non. Fait que, tu vois, genre, ça prend une conjoncture d'éléments, puis je suis pas sûr que dans la Ligue nationale, on a ça actuellement, en plus des règlements, qui, je ne pense pas, le permettent. Là. C'est une. Ouais. C'est merci. Une bonne réponse, hein? Ouais, c'était merveilleux. C'est pour ça que je suis sixième dans le pool. je voulais qu'on parle un petit peu du Canadien de Montréal. C'est pas comme ça, on n'en parlait pas depuis le début du show, mais plus précisément, en vue des séries éliminatoires, le Canadien a besoin d'un attaquant de puissance. Certaines personnes disent qu'on a besoin d'un bottom 6, là, mais moi, je suis pas ben, ben convaincu. Je pense qu'il nous manque un défenseur top 4. Et ouais, mais tu sais, c'est parce que je pense que même si Gunshaw fait extrêmement bien la job et Beaulieu nous accommode bien, je pense que ça prend un élément dans le top 4 pour aller stabiliser tout ça. Là. Parce que Emeline n'est plus un top 4. Beaulieu. Il l'a encore... déjà été. Par la force des choses, oui, parce qu'il y amenait un élément de robustesse qu'aucun autre n'était capable de faire dans l'équipe. Ouais, mais c'était. Non, ouais, mais c'est pas parce qu'il était robuste que c'était un top 4. C'est un top 4 à Montréal. Oui, oui, ça oui. Ben c'est ça, je t'ai dit, par la force des choses, ouais. De par ce qui amenait, ça le positionnait comme top 4. Là, ce n'est plus le cas. Moi, je pense donc que ça prend un défenseur top 4. Et ma question est, qui on va chercher? Comme def? Ben comme def, comme attaquant, quel joueur qu'on vise? Ben moi, comme attaquant, de plus en plus, là, puis j'ai regardé beaucoup ses stats et tout, là, puis je sais qu'il y a quand même un gros contrat, mais à l'attaque, moi, j'irais me chercher Ryan O'Reilly. C'est... Hey, boy, que j'ai de la misère. Ah ouais? Ben, continue ton affaire, je t'explique le pourquoi. Ben, j'aime... l'argument numéro 1 de Montréal, il est gros, là, il est capable de scorer. C'est sûr que j'ai pas été plus profond dans l'attitude pis tout, là. Pis je veux dire, je pense que c'est le genre de joueur que même si tu irais chercher à la fin de l'année, tu vas y donner à l'une. J'ai pas pris ça en compte, là. Moi, j'ai juste fait, je veux le joueur qui est capable de foncer pis de... Je parle vraiment des joueurs qui est circulé en rumeur pis tout, parce qu'il y a des joueurs que j'irais chercher probablement bien avant lui, là, sauf qu'ils sont probablement pas disponibles. Fait que tu vas être pogné avec. T'sais, moi, j'irais chercher Voracek, là. Sauf qu'on s'entend que Voracek, ça m'étonnerait que tu l'aies, tu sais. Il y a eu quand même eu des rumeurs, hein, comme quoi qu'il pourrait être disponible, là, mais que moi, j'y crois pas. Ouais. Là. Ah, ben c'est ça. Moi non plus, j'y crois pas vraiment. Mais Ryan O'Reilly, écoute, moi, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant. Puis, tu sais, il pourrait peut-être être aimé Montréal. Il est gros, il est capable de scorer. Écoute, pour vrai, c'est un bon joueur. Là. C'est clairement un top 6. Pour ces statistiques-là, je les ai pas de même, là, mais je vais aller checker ça dans l'immédiat. Allez, vas-y! Ryan O'Reilly, c'est sûr qu'il est au Colorado, mais il a 26 points. Je pense qu'à Montréal, il pourrait en avoir plus, surtout s'il serait dans le top 6. Ça équilibrerait probablement des trios. Là. C'est un centre capable de jouer à l'aile. Ça, t'sais, si maintenant tu vas chercher Ryan O'Reilly, là, ça te permet de d'échanger leur seller, David Dernier, je m'allais l'appeler Daniel Dernier. Daniel! Hey, hein? Je sais pas, moi je pense que c'est un des joueurs que je viserais. C'est sûr qu'il y a Antoine Vermette qui pourrait être intéressant aussi, je veux dire, il est quand même capable de jouer du bon hockey. Mais tu sais, c'est encore là, c'est parce que c'est des joueurs de location, ils restent une année à leur contrat, ça finit cette année. Ryan O'Reilly, je suis sûr que si on va le chercher, bon, il restera pas à Montréal. Ça, c'est un truc qui me fait un peu chier. Vermette, peut-être. Mais encore là, le phénomène d'aller chercher des vieux joueurs québécois qui étaient bons dans le temps, qui sont un peu moins bons, tu sais, comme Daniel Brière, puis toutes les affaires de même. Ouais. je le sais pas, mais je pense que c'est les deux joueurs que je viserais parce qu'ils sont disponibles. Mais comme je disais, Voracek, s'il serait disponible, j'irais le chercher. Malkin aussi, des trucs comme ça. Là. C'est juste que c'est pas réaliste selon moi d'aller y chercher eux autres. Sinon, à défense, il y a un de mes amis qui me parlait de Jeff Petrie hier. Ouais, beaucoup de rumeurs, mais il fait fret, hein? Moins 22. Ouais. mais en même temps, Edmonton Oilers. Ouais, mais en même temps, si chacun des bons éléments se dit « Ouais, Edmonton Oilers, ça le discrédite sur ses points négatifs », ben, parce que à la somme de toute l'équipe, c'est parce que ça fait plus de sens, hein? Ah, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, leur meilleur def à date, c'est Justin Schultz qui est 19 points, moins 8. Ça pourrait être quelque chose, vous avez pas peur, lui aussi, mais je pense pas qu'il est disponible. Juste 6 minutes de pénalité en plus. Mais il est soft. ouais, peut-être aussi. Non, mais moi, je vais t'expliquer ma réflexion, OK? Quand je te sors des noms de gars, de joueurs, ce pourquoi je les mets, c'est parce que l'équipe est éliminée, donc va vouloir être vendeuse. Je les mets aussi parce que c'est leur dernière année de contrat et dans ce cas-là, ça coûte moins cher. Marc Bergevin n'ira pas se vider parce que son équipe, pour lui, n'est pas prête pour aller chercher la Coupe cette année, n'est pas encore un contender là, pour la Coupe. Le Canadien est encore en mode rise. On grimpe vers l'objectif. C'est dans 2 ans que le Canadien vraiment va rentrer dans la fenêtre. Nous sommes des prétendants à la Coupe cette année pendant 5 ans. C'est dans 2 ans que ça va arriver. Et Marc Bergevin n'ira pas brûler, vendre des éléments de son futur pour un joueur de location. D'où le fait d'aller chercher des gars qui tombent agents libres. Comme ça, ben, tu peux peut-être éventuellement les re-signer s'ils aiment l'expérience à Montréal. Puis en plus, ils te coûteront pas cher. Dans le lot, il y a une couple de gars que je trouve qui peuvent être intéressants. Avec les Sénateurs d'Ottawa, Marc Method. 9 matchs seulement cette saison, beaucoup blessé, plus 4, 2 points. 2 passes, en fait. Pourrait être intéressant. André Benoit, qui est avec Buffalo, 1 but, 5 passes, 6 points, moins 7. 33 matchs jusqu'à maintenant, donc il y a eu une petite blessure. 5 et 11, par exemple. Dernière année de contrat. À 6 et 2, Andrej Mezaroj. Lui aussi des Sabres de Buffalo, 6 points, 1 but, 5 passes, moins 10. Et celui qui, pour moi, je considère être le plus intéressant avec les Coyotes de Phoenix, de l'Arizona. Pardonnez-moi, ils ont déménagé. Zbinek Mikalek, 1 but, 6 passes, 7 points, moins 2 en 43 matchs. Moi, c'est le gars que j'irais chercher. Sa dernière année de contrat, gagne 4 millions. S'il aime l'expérience, why not? Sinon, ben, tout bad, man. Il a fini. Il tombe à Jean-Lip. Ben, j'aime beaucoup Mazarosh, là, pour vrai. Là, ça serait un bon pic. Mikalek aussi, il serait pas pire. Mais Tot, j'ai un peu plus de misère. Là. Ouais, non, je suis bien d'accord. Je l'ai mis là parce qu'il est rentré dans mes critères de sélection. Tu veux un défenseur, calibre top 4, qui est à la dernière année de son contrat dans une équipe exclue des séries qui va être vendeuse et qui te coûtera pas cher parce que justement, il tombe UFA. J'ai 4 gars. Mais méthode étant le moins intéressant, là, on l'élimine, OK? Je clique sur sa fiche. Ouais. Bonsoir, c'est fini. On vient de le flusher. Il nous reste Benoît, Mezaroche et Mikalek. Moi, c'est Mikalek là, que je vise. Okay? Ben, moi aussi, là, pour vrai. Là, c'est lui, c'était pas grave. Mezaroche, Benoît, même chose que méthode. Ça, je l'enlèverais. Là. On enlève André Benoît à 5 et 11 en plus. C'est pas ce que le Canadien a besoin. OK, 11. Check! Mais Zara, ce que j'aime, c'est son aspect offensif. Là. Mais Alex, pour vrai, je le connais pas autant, mais je sais qu'il est efficace. Mais Zara, 6 points en 32 matchs, puis Mikalek, 7 points en 43. Fait que c'est pas non, c'est à boire dans un cas comme dans l'autre. Là. Non, c'est sûr, mais Mikalek a eu des bonnes saisons, mais Zara aussi. Mais Zara, souvent, s'est promené en tabarouette là, dans les dernières années. Là. Très fragile, 2 saisons de 2012-2013, 11 matchs seulement. Écoute, dans les dernières années, là, ça fait depuis 2012-2013 qu'il n'a pas vécu une saison complète. C'est comme le Di Pietro de la défense. Ouais, peut-être. C'est le Benoît Brunet de la défense. Ouais. bon, ben écoute, élimine Mezaros. Ça va être Mikalek. On va aller chercher Mikalek. Donc, Bergevin, Marc. C'est Marc, hein? Marky Mark. Ça va être Mikalek, man. Notre choix est fait. On va prendre une pause, on va l'appeler, puis on vient. Ça serait tellement hot. Hey, on a décidé ça, moi puis Jerry. Ça va être Mikalek, man. OK. Pour vrai, je pense que les conditions sont remplies. Le prix, ça dépend si les autres équipes l'ont sur leur radar. Ça se peut. Et là, peut-être qu'il y aura en chair, mais tu sais, une transaction genre un petit choix lointain plus un pic, ça pourrait être intéressant là, pour un Mikalek. Tu sais, un choix de troisième ronde plus un genre un Rivail. Tu sais, peut-être, là, je sais pas, là, je lance ça de même. Là. C'est peut-être gros, même. Juste Rivail. Peut-être que tu es capable d'aller le chercher. Là. Pis s'il aime la ville, why not? Tu donnes un contrat, puis merci, bonsoir. Là. Ouais. Non, c'est pour rien, ouais, j'aime l'idée. Là. C'est... Tu viens de stabiliser ta défense. Ça, c'est un vrai gars NHL. Là. C'est pas un wannabe, peut-être que. T'sais. Non, mais ça fait un bout qu'il est là. Ça... Il est 32 ans, 6 pieds 2. Ah, moi, je le... moi, en tout cas, il est sur le top de ma liste selon mes critères de sélection. Pour ce qui est de l'attaque, là, c'est plus compliqué. Là. Je ne sais pas si le Canadien va être en mesure de combler les deux besoins. Mais on dit souvent que c'est de la défensive qui te gagne tes championnats. Donc, c'est pour ce pourquoi je misais sur un défenseur en premier lieu. Mais O'Reilly, je comprends que tu l'aimes. Je comprends l'intérêt, mais d'un, l'Avalanche n'est pas éliminée des séries. Ils vont probablement les faire. De deux, je pense qu'il reste des années de contrat, ça se peut-tu? Non, c'est la dernière année de son contrat. Il a juste signé un an parce qu'il se bras de fer avec Patrick Roy. Puis il a fait, regarde, je te donne ton 6 millions, mais ça va être juste être un an. OK. Ben, ouais, c'est ça. L'an prochain, son contrat d'un an s'enclenche. Il va y avoir surenchère. Si O'Reilly est sur le marché, c'est sûr qu'il y a une couple d'équipes qui vont être intéressées. Là. Ça, c'est sûr. Mais ça, je pense que c'est plus un truc qui va se réveiller dans l'entre-saison. Là, mais. J'aimerais ça. Là. Il y a 23 ans, 26 points en 49 matchs. Tu sais, pour 6 millions, là. Un point sur deux, là. C'est aux deux matchs, là. Pas top, là. Moins 5. Je sais pas. Je me questionne. Je suis pas sûr. Mais ça se peut, là. Tu sais, s'il arrive à Montréal, je vais être content, là. Mais pas tant convaincu, là. Tu sais, place-le dans la hiérarchie de Montréal, là. À 6 millions, il devient ton attaquant le mieux payé. Est-ce qu'il va être ton meilleur attaquant? Ben peut-être si tu joues bien avec les bons joueurs. Ouais, t'sais, peut-être ça fit pas à Colorado, ça peut-être fitter à Montréal. Honnêtement, je suis sûr qu'il viendra pas à Montréal là. C'est le joueur que j'aimerais voir, mais écoute, je suis pas sûr que ça va se finir ailleurs, puis ça va être juste dans l'entre-saison. Mais écoute, moi je verrais un trio Galchenyuk au centre, Riley à gauche, puis tu mets Gallagher à droite là. Moi c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais ça sera peut-être pas. Tu mettrais pas à long terme Galchenyuk puis Pacioretty sur le même trio? Parce que dans ce cas-là... Peut-être. Tu sais, O'Reilly, c'est un centre, là, mais ça te prendrait plus un droitier qu'un right wing qu'un ailier gauche ou un centre. Là. Ben, à la limite, tu fais un trio Galchenyuk au centre, Pacioretty à gauche, puis tu mets O'Reilly à droite. Non, que ça adapte! Ben ouais, écoute, ça pourrait faire... Ça ferait un espèce de beau trio, pareil. Donc, nous, ce qu'on veut savoir maintenant, les auditeurs, Mikalek, ça vous intéresse-tu? C'est ça? O'Reilly, c'est ça qu'il faut qu'on vise? Est-ce que ça mérite qu'on se vide peut-être de plus d'éléments pour aller le chercher? On veut savoir votre opinion via les réseaux sociaux, participer à la discussion. Ça lui fait plaisir d'avoir vos commentaires. On veut savoir. Jerry, autre sujet. Ben, je pense qu'on va embarquer dans une des passes à palette. Ah ouais, t'empiètes là-dessus? Ok, parce que sinon, j'irai avec mon dernier sujet. Vas-y avec ton dernier sujet, parce que moi, en fait, je voulais parler de mon sujet qui était une des passes à palette. Fait okay. Que je vais embarquer là-dessus. Ok, mais, c'est bon. Tu peux y aller avec ton sujet si tu veux tout de suite. Parfait, ok. En vue des séries, il y a beaucoup de rumeurs impliquant le Canadien de Montréal et il y a plusieurs noms qui circulent dans l'entourage comme étant ceux que Marc Bergevin est prêt à magasiner. De ces noms-là, il y en a deux particulièrement qui ont sorti. Emelin et Heller seraient les gars ciblés par Bergevin à être échangés. Moi, je rajoute Desharnais et Plekanec parce que tu sais, il y a le fameux dossier des centres à Montréal. Là. Et moi, je te demande, Jerry, qu'est-ce qu'on fait avec ces quatre gars-là? On les garde, on les échange. Qu'est-ce qu'on vise pour? Si on les sort, on a quoi en retour? Si t'étais Marc Bergevin, qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là? Ben, c'est sûr que Emeline Heller, je suis pas d'accord. Là. Moi, comme j'ai dit dans l'autre épisode d'avant, Heller, il me laisse ni chaud ni froid. Donc, je m'en fous un peu s'il crisse son camp. Puis je pense qu'il aurait quand même une bonne valeur considérant son âge. Un contrat qui est bon, 4 millions, il y en a qui disent que c'est cher. Le marché est ce qu'il est. Je crois que ça peut être une bonne valeur, dépendamment pour quel DG. Là, faut qu'il voie un peu dans sa soupe. Là. Sinon, Emlyn, même chose. Moi, je trouve qu'il a perdu du lustre. Même s'il y a eu une bonne game jusqu'à ce qu'il se fasse mettre dehors. Je trouve que c'est plus le joueur qui a été signé à 4 millions par année. Ça, c'est sûr que ces deux-là, moi, je les échange. Contre quoi? Écoute, j'ai aucune idée. Je pourrais pas savoir à 100% les valeurs. Là. J'échangerais bien un Emlyn contre quelque chose de super gros, mais bon, ça arrivera pas. C'est beau rêver, mais à un moment donné. Hein. C'est ça. C'est le genre de joueur que je pourrais peut-être appeler à Edmonton et faire « Regarde, j'ai un bon def Emlyn qui peut peut-être... » Il y a de l'expérience, c'est un vétéran... Peut-être stabiliser ta brigade. Mais en même temps, c'est parce que nous autres, ici, on a besoin d'améliorer notre brigade défensive. Fait que, tu sais, envoyer un def, faut que tu aies un autre def en retour. Fait que là, ça pourrait être un échange de problèmes, tu sais. Je parlais de Jeff Petrie. Ouais. Ça pourrait être un, tu sais, je sais pas, un pour un, dépendamment. Je connais pas le contrat de Petrie et tout, là, mais en tout cas, c'est checké en tant que tel, là. Fait que Marc, on te le sente les mains. Sinon, en tant que tel, Dernay, oui. Dernièrement, il s'est replacé en tabarouette, moi, je trouve. Là, il joue du bon hockey. On dirait que ça lui a fait du bien de se faire tasser du rôle de premier centre. Oui. Peut-être que l'humilité n'était plus là, tu sais. De dire, ouais, je me suis battu toute ma vie pour atteindre la Ligue nationale. Là, je suis confortable. Non, ouais, ben... continue à te battre, man. C'est de le brasser un peu, je pense que ça fait du bien. Puis en même temps, c'est calme, mais jouer à l'aile, ça te permet de voir aussi le niveau. Mais tu vois la game différemment, ça c'est sûr. C'est ça, carrément. Fait que tu sais, je pense que ça t'apporte une connaissance en tant que centre. Tu sais, où ce que les autres doivent aller, tu sais, c'est quoi être allié. Ouais, tu comprends mieux après ça en tant que centre, où est-ce que les alliés se positionnent, pourquoi ils sont là. Ouais, non, je comprends. Il y a une démarche intellectuelle qui vient avec. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est quand même amélioré, mais bon, il est petit, puis des petits, on en a en tabarouette. Seule affaire, c'est que ce que je l'échangerais, je le sais pas. Je pense pas que c'est le joueur qui a la plus grande valeur dans nos centres pour un échange. Fait que, tu sais, tant qu'elle perd pour fuck all, j'aime mieux le garder, puis qu'il performe quand même un peu. Fait que ça pourrait être quelque chose. C'est sûr que le centre que tu irais peut-être chercher beaucoup plus en échange, c'est Thomas Plekanec. Là, on se le cachera pas que c'est clair que c'est lui qui a le plus de valeur à Montréal. Oui. Mais c'est aussi le plus utile. Mais malgré que les gens connaissent, là, je n'apprécie pas particulièrement Plekanec parce que c'est un gars de troisième trio qui est payé comme un gars de premier. Ça fonctionne pas, là. Dans ma tête à moi, c'est fondamentalement un gars de troisième trio d'une équipe élite. Puis là, il est pogné sur un troisième trio à Montréal, qui n'est pas une équipe élite. Et il n'y a pas des joueurs élites en avant de lui. Fait que ça marche pas, là. C'est pas sa bonne place. Mais oui, il y a une très bonne valeur, j'en suis convaincu. Ben, il est constant. Il est bon défensivement. Il est quand même bon à l'attaque. Il est bon au centre des mises au jeu. C'est tout ce qu'un troisième centre doit faire, là. C'est ça. Mais encore là, il est payé 5. Je pense qu'il est 5 millions par année. C'est pas si cher considérant que c'est un joueur en moyenne de 60 points. C'est à voir, mais tu sais, encore là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour? Là, ben, c'est d'avoir la bonne discussion avec le bon DG pour essayer d'aller chercher le trade qui va être avantageux pour Marc Bergevin. On fait ça un 2-1, genre Emeline Heller dans le même paquet pour un gars? On pourrait, parce que de toute façon, moi, je trouve qu'on a trop de centre à Montréal. Sachant ce qu'on a en plus qui s'en vient dans la Ligue américaine. Tu sais, Tenorio a mangé une volée, là, mais il est revenu au jeu, puis ça va bien dans la Ligue américaine. Ben oui, il a besoin de confiance. Il n'y a pas eu genre depuis ça 6 points en 5 matchs. Ouais, genre. Une affaire la même. Tu sais, le gars, il a besoin de confiance. Quand ouais, à Montréal, on va être prêt à lui donner confiance, ça va marcher. Là. Ouais, ben regarde Beaulieu. Ben oui, exact. Fait que, tu sais, en défensive, c'est pour ça que, tu sais, moi, tantôt, je te parlais de Michalek. Il devient agent libre. Si ça marche, puis qu'on est capable de le signer à bon prix, OK, donnons-y une place. Il nous manque des défenseurs de calibre NHL. Mais en même temps, s'il décide qu'il part, ben, dans notre top 4, ben, il y aura Tinoli éventuellement qui va prendre la place. Fait qu'à long terme, on n'est pas mal pris non plus, là. Ouais, ben, justement, dans le top 4 futur, là, si mettons on en regarde vraiment plus loin, là, tu vois, Subban, Beaulieu commence à rentrer dans le top 4. Là. Ouais, ouais. Peut-être sa deuxième paire, là, mais il commence à être intelligent avec la rondelle. Contrôle bien, des petits jeux super simples, des bonnes passes de relance. J'ai hâte que son côté offensif commence à s'exprimer, mais je pense que le gars s'est clairement donné comme mission, OK, on veut pas que je fasse d'erreur, je me concentre là-dessus. Quand il va, ouais. Quand il va considérer qu'il est capable de réparer ses erreurs, je pense qu'il va prendre plus de chance. Ben justement, comme hier, il en a fait une erreur, là, puis j'étais comme... Je regardais Beaulieu, parce que depuis un bout, je commence à regarder de plus en plus Beaulieu, puisque je commence à l'aimer. Là. Puis on le sait, dans le début d'hors-jeu, moi, puis Tinardi Beaulieu, là, si tu pouvais mettre ça dans un package puis l'échanger, c'était égal d'avoir de quoi. Là. Beaulieu, je commence à me dire, finalement, on va le garder. Mais hier, il y a une petite erreur en zone neutre, puis il a comme fait une passe, il a manqué sa passe, je sais pas, il a regardé, puis il a pas frappé la balle. La balle, oui. Oui, oui, il joue au hockey-ball ouais. Dans la Ligue nationale, c'est connu. Hein? Il a manqué la rondelle, il y a un joueur qui est parti tout de suite, puis tu l'as vu, il a pas lâché, là. Il est reparti en défensive, il s'est pitché à terre, puis il a poké la rondelle, tu sais, puis il a réparé son erreur d'être là. Ça a arrêté l'attaque des Stars. Tu sais, il est capable, puis je pense que Gonchar est tellement bénéfique pour Beaulieu, ça a même pas de bon sens comment il l'est, là. Fait que tu sais, Gonchar 1 million, 1 an de plus, moi je l'ai toujours dit. Mais. Je commence à y croire. Pour vrai? Non, j'ai dit ça pour vrai? J'ai dit ça, je pense, je suis comme sûr, là. Moi, ça fait 5 émissions que je l'ai dit. Je commence à aimer ça que tu te donnes raison. Ah, mais en même temps, au nombre de dossiers que je t'ai fait changer d'avis, faut bien que tu vois ça t'arrive une fois, là. Ouais, même. Mais non, mais en tout cas. C'est... Je commence à comprendre que peut-être pas 1 million là, mais ouais. 1 an là. On ne ouais, tire pas plus qu'un an là. Ça c'est sûr qu'on y va 1 an là. Mais en tout cas, ça arrivera pas, je le sais. Un two-way possible, tiens, s'il te plaît. Mais en tout cas, ça c'est. Je pense qu'on a un bon futur à défense. Puis Mi-Alex, justement, si on va le chercher, ça pourrait juste stabiliser. À la limite nous donner comme. Un an ou deux de plus de formation de défenseur, tu sais. Tinardi, c'est sûr qu'il finit, là, dans... Moi, je pense que l'année prochaine, c'est son année, puis il va monter, là. Une chose est sûre, le contrat de Tinardi puis le contrat de Beaulieu, parce que les deux deviennent agents libres avec restriction à la fin de la saison, seront pas pareils. Beaulieu va aller chercher une couple de millions, puis Tinardi va être pogné avec probablement un contrat de transition, mais très, très serré. Là. Je pense pas qu'il va y avoir une grosse augmentation sur le salaire. Là. Ouais, mais Beaulieu, lui, il va aller chercher proche du million, là, mais pas plus que ça. Mais et pour vrai, je vois un contrat autour de 1,5. Ouais, 1,5. Mais pas de non, 1,5. Faut pas que t'aies trop loin. Là. Non, je comprends, mais ça dépend. Là, si tu le signes sur 3 ans, 2 millions, ça fait du sens. Si tu le signes un an à 1,5, OK. Là. Sauf que le contrat d'après, tu vas compenser le manque à gagner, là, c'est sûr. Ouais. En tout cas, c'est sûr que Beaulieu, il commence à avoir de plus en plus sa place. Mais on va voir. Tinardi, d'après moi, ça va. Ça va s'en venir. Là. Faut juste qu'il se donne le temps. Je pense qu'on va y aller avec les passes à la palette. Je me demandais si j'avais de quoi rajouter là-dessus, mais c'est parce que, tu sais, oui, faire un 2-1, Emeline Eller, c'est intéressant, mais encore là, qui aller chercher? Tantôt, je te parlais d'un défenseur. C'est peut-être l'achat qu'on est capable de faire via le marché des transactions qui coûtera pas cher. Peut-être qu'avec un Eller et Emeline, on pourrait aller chercher un attaquant intéressant. Moi, je pense peut-être que oui. O'Reilly, c'est peut-être ça que ça prend pour aller chercher O'Reilly. Non. Qui sait? C'est pas assez pour O'Reilly. Là. Qui sait, j'ai dit. Ouais. Mais tu donnerais-tu, toi, Eller Emlin? Parce que moi, non, là, mais contre Mi-Alec? Non, mais non. Ouais. Non. Ça, va te chercher Vermette, en plus. Ben écoute, on commence déjà plus à jaser. Vermette contre Eller Emlin, c'est déjà peut-être plus une base de négociation. Pas être correct. Parce que Eller a des missions défensives et Vermette est capable de les faire. Fait que déjà là, tu combles ce que le vide qu'Eller cause avec son départ, tu le combles un peu. Là. Mais parce que là, tu donnes 8 millions pour un joueur. Est-ce que eux autres vont dire oui? Ouais. Exactement. Vu de même. OK, passe la palette. On en a eu comme pour à peu près Jess Chaplot, que l'on salue. Elle nous a envoyé deux sujets. C'est-tu un des deux que tu voulais t'avais avec ton sujet, Jerry? Non, pas nécessairement. Moi, c'était plus le sujet de Pierre-Julien Poirier. OK, ben on va y aller avec ça. Donc, Pierre-Julien Poirier nous a aussi envoyé deux questions. Et on a une question de Pierre-Yves Giacometti via Twitter. Donc, on vous salue. Merci. Ça, c'est nos fighters, ça, man. C'est nos goons, c'est nos partisans, c'est nos vrais de vrais. Merci d'être du rendez-vous tout le temps. Puis avec vos passes à palette, c'est très apprécié. Donc, je te laisse aller, Jerry, avec la question de Pierre-Julien là, qui fait un lien avec ton sujet. Mais en fait, il y en a deux. Moi, en fait, je voulais parler du match des étoiles. Je voulais parler de Crosby. Justement, on a une question de Pierre-Julien Poirier qui nous demande « La suspension à Crosby pour son absence au match des étoiles, est-ce justifié? » Je vais répondre tout de suite après. Je vais donner tout de suite la deuxième question. « Avez-vous encore l'intérêt pour le match des étoiles? » C'est encore de Pierre-Julien Poirier en passant. « Et que changeriez-vous à la formule actuelle? » Bon, pour ce qui est de Crosby, moi, honnêtement, j'adore Crosby, super bon joueur, mais je trouve que c'est un manque de respect envers les fans, surtout sachant, s'il aurait été blessé depuis un méchant bout, oui, bon, ils disent qu'il a été blessé depuis le 10 janvier, sauf que quand tu joues un match l'avant, juste avant le match des étoiles, et que tu joues 23 minutes, j'ai un peu de misère à croire que t'es sérieusement blessé au point tel de manquer le match des étoiles, qui, on va se le dire, là, c'est assez, assez relax comme match. Là. Ouais, c'est assez tranquille, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, même s'il veut prendre du repos ou bla, tu sais, peu importe la raison, écoute, c'est pas là que tu vas t'éreinter un muscle ou peu importe. Là. C'est très, très minime. La suspension est-elle justifiée? Oui. Moi, je trouve que oui, c'est un manque de respect envers ta source de revenus numéro un, qui est les fans. Tu sais, je veux dire, Crosby, on s'entend, c'est probablement le meilleur joueur au monde. C'est un événement où on veut voir les meilleurs joueurs au monde. Pourquoi t'es pas là? Tu sais, je veux dire... Moi, je pense que la notion que tu as soulevée de respect des fans, c'est tout à fait ça. Là, parce qu'il a participé à un seul match des étoiles jusqu'à maintenant depuis le début de sa carrière. Puis c'est pas la première fois qu'il est invité à y aller, là, on s'entend, là, qu'il est sélectionné. Ça en dit long sur le. Comment je te dirais ça? Sur. Tu sais, Jean Béliveau est décédé cette année. On disait que lui, là, les fans, là, tant qu'il en avait, il signait des entrevues. Signait des autographes. Et s'organisait toujours que son autographe soit lisible, tu sais, que ce soit. Tu sais, que les gens qui ont pris la peine de venir le voir, un privilégié, parce que c'est ça, être une vedette, t'es un privilégié, ben, ressortent heureux de la rencontre avec toi, tu sais. Man, t'as juste besoin d'être toi-même, tu t'en rends heureux du monde. Shit, c'est quand même le fun, là, tu sais, c'est pas négatif. Tu sais, faut avoir un respect du fans et M. Béliveau l'avait là, ben, 120 000% là, ce respect-là envers les fans. Et Crosby, écoute, c'est pas la même façon de procéder, hein? Je dis pas qu'il est pas généreux avec le monde au jour le jour, là, mais un événement comme ça qui est carrément là, c'est une pub là, pour la Ligue nationale. Carrément, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert, puis tu le choques à tous les fois. J'ai de la misère. De la misère pour la notion de respect envers les fans. Même si, on s'entend, mettons là, je serais un joueur et que je serais Crosby, je serais blessé, là. Mais à un point tel, tu sais, comme minime, que je peux vraiment pas jouer parce que ça peut s'aggraver. Moi, tu te pointes, mais tu participes pas aux activités. Et voilà, je me pointe. Garde, je vais venir pareil, faites quoi, là, je vais signer du monde, je vais être là à côté, je veux. Peu importe, là. T'es le visage de la Ligue nationale, là. Tu sais, les millions qui se fait avec son salaire, toutes les. Je cherche le mot. Les là. Commandites. Merci. Les commandites qui sont après lui, là, c'est une pub qui fait à tout le monde. Ouais. En tout cas, moi, je comprends juste pas, tu sais. Puis, honnêtement, on va se le dire, là, il est clairement pas vraiment blessé, ce gars-là. Là. Il voulait juste prendre du repos pour le dernier droit de la saison. pour donner une chance aux Pingouins d'aller plus loin, mais... C'est correct dans une certaine mesure, là, c'est les Pingouins qui ne payent pas la Ligue nationale, mais Crosby, comme peu d'athlètes dans le monde, dépasse les frontières de son propre club. Crosby est un joueur... Crosby, c'est la Ligue nationale. C'est pas un joueur d'une équipe, c'est le joueur de la Ligue nationale. Comme LeBron James est le joueur de la NBA, tu sais. Ouais, c'est sans ces gars-là dépassent les frontières de leur sport. Tu les connais même si tu n'as jamais vu un match de ce sport-là. Je connais LeBron James. Je sais que c'est une vedette. Je l'ai jamais vu jouer. Mais je suis capable de leur connaître. Tu vois, tu sais, il a dépassé les frontières de son sport. Et dans ce cas-là, écoute, tu as des responsabilités envers les partisans. Et le match des étoiles, je pense que, même si c'est à Columbus, même si c'est là, tu dois quelque chose aux participants, aux amateurs, tu dois te présenter, puis tu dois faire acte de présence et de bonne volonté. Moi, puis le pire, c'est que peu importe, même si moi, là, mettons, il aurait été blessé gravement, genre, je peux pas me déplacer parce que j'ai une jambe dans le plâtre, ou peu importe, là, faire une vidéo, je sais pas, moi, j'irai voir la direction des Pingouins, hey, on peut se faire de quoi, tu sais, je vais faire un gros message pour les fans, genre, excusez-moi de pas être là, blablabla, puis je sais pas, t'offres de quoi, en tout cas, moi, je... C'est là que j'utiliserais le monde autour de moi de marketing. Là, puis je regarde, go, je vais faire un gros truc que je veux qu'on parle de moi, même si je suis pas là. T'sais. Mais là, il fait parler de lui pour les mauvaises raisons parce qu'il est pas là. T'sais. En tout cas, moi, je trouve que c'est une mauvaise pub. Là, donc, la suspension est justifiée. Un match, écoute, c'est une petite tape ses doigts. Là, c'est rien de. C'est un 2 points. Là. À la fin de la patente, ça change pas grand chose. Ils ont même pas coupé son salaire. Puis même là, même s'il enlevait 1000$. T'sais, on s'en fout, là. Ouais. Mais c'est juste pour démontrer qu'il y a bel et bien la Ligue nationale n'apprécie pas le geste. Ouais. C'est correct, ils ont le droit. Je trouve que c'est justifié. Ouais. Puis l'autre question qui était dans le fond, est-ce qu'on changerait la formule? Parce que, bon. Et moi, pas que j'ai des idées. Moi aussi, puis j'en ai vraiment. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée. Bon, à la base, je serais pas contre revenir contre l'ancienne formule SOS. Oui, ok, oui, oui, ça. Moi, j'aimais comment ça. Comment tu formes les équipes, man? Ben, moi, je dirais, si on retourne à SOS, c'est les meilleurs. Je me fous qu'il y ait 3-4 équipes qui n'aient pas de joueurs. C'est les meilleurs. Ouais. Tu vas chercher les meilleurs joueurs. Je sais que là, ça jase beaucoup depuis des années là, d'avoir une raison, là, d'avoir un impact, là, genre décider qui a l'avantage sur la glace en finale, comme ça se fait au baseball. Ce qui serait tout à fait normal, ce qui serait bien correct pour de mettre ça. Tu sais, d'avoir un enjeu, là, mais tu sais, en même temps, ça changera rien à savoir si les gars vont se défoncer là, pour le match. Là. Ça va être toujours aussi soft. Là. Il y a ça, puis en même temps, je sais pas, moi, je mettrais peut-être pas ça, parce que s'il y en a qui se forcent, il va y avoir des plaquages, il va y avoir des blessés. Ça va te tenter, toi, mettons, d'envoyer ton joueur au match des étoiles, puis qu'il y a une chance qu'il se blesse, surtout si on s'entend, c'est un match des étoiles, fait que c'est les meilleurs joueurs. Moi, là, tu sais ce que je ferais? Le concours d'habileté, ça, c'est bien correct. J'aime ça, j'ai du fun. C'est le bout le plus plaisant, là. Moi, là, ce que je ferais, là, c'est que je ferais même pas une game d'hockey. Tant qu'à ça, là. Ben, en fait, tu fais un match. Première période, genre, les gars sont tous en luge. Tu sais, le hockey sur luge. Tu fais une période de même. Ah, ok, en luge. Ah ouais, merci, bonsoir. On fait. Tu sais, t'es sort complètement de leur environnement. Tant qu'à avoir un match de bouette, là, qui sert à rien. Ah ouais, complètement différent. Deuxième période, t'enlèves la pop, tu mets un ballon de basket. Ouais, la fin la même, genre. De quoi qui est super dur à déplacer avec ton bâton. Là, ça va être le fun. Ça va être l'air d'un match de Mag 1, là. Ça va être écœurant. Puis genre, en troisième période, je ne sais pas. Genre, les gars, ils jouent hockey bottine, ça a de l'as. Mais tu sais, avec tout leur équipement, je ne sais pas, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Tant qu'à dénaturer le sport, vas-y à fond, tu sais. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais un show, tu sais. Fais un spectacle avec ça. Il y a personne qui a de l'intérêt tant qu'à ça. Vas-y, là, à tous les années, tu changes. OK, une année, il faut que tu fasses des paniers de basket pour scorer tes buts, mais avec une puck. Fait qu'il faut que tu allobes pour faire des points. Je ne sais pas, là. On s'en fout, là. Parce que de toute façon, on s'en fout anyway. Fait que t'as semaine d'y aller, what the f... T'sais? Vas-y à fond dans le délire, tu sais. Ah, tu préfères ça, puis en même temps, si mettons, tu parles de basket, là, t'invites des joueurs de la NBA qui s'habillent en hockey puis qui essaient de faire des buts. Ouais, mais parce que les autres, tu sais, tu veux pas qu'ils se blessent. Moi, je parle quand même d'affaires qui sont sécuritaires, là. Mais tu sais, jouer au hockey avec un ballon de basket, là, ça va être dur à déplacer, mais les gars vont s'essayer pareil. Tu sais, ça change le challenge. T'sais. Hockey sur luge, les gars se blesseront pas, là, ils vont juste se traîner différemment. Si tu décides que, mettons, pour marquer un but, ben, faut que tu fasses un lob dans un panier de basket, mais avec une rondelle, c'est encore une fois différent. Ça change la game. Tu sais, puis que c'est tout aussi sécuritaire. Moi, j'irais avec des affaires de même, là. Ah, c'est sûr, c'est une bonne idée. Moi, ce que je ferais. Tout avec des palettes drettes, man. Des bons vieux Sherwood en bois. Non, mais tu sais, tu fais de quoi de vraiment comme. Hein? Ça, à trois années, tu fais comme bon, qu'est-ce qu'ils vont imaginer, tu sais? On parlait de basketball. Tu joues au basketball, mais habillé en hockey avec tes patins et des protège-jambes dans les pieds. Je sais pas. Et ça va être tough, ça. Ouais, mais tu sais, j'exagère, là, mais tu sais, vous comprenez l'essence, là. Tant qu'à avoir une game qui sert à rien, en ouais, tu sais, dénature-là pour de vrai, puis moi, que je suis chaud, tu sais. Ouais, c'est une méchante bonne idée. Moi, j'aime ça, là, pour vrai. Là. C'est justement, comme tu dis, tu dénatures le sport, mais en même temps, c'est juste drôle, puis c'est un événement. Fait, c'est là que t'en profites. Moi, ce que je ferais, honnêtement, c'est un événement à l'extérieur. Ouais. Et c'est pas compliqué. Moi, le repêchage en tant que tel, je trouve ça cool. J'aime le principe. C'est le fun. Mais moi, ce que je ferais, je ferais pas de repêchage. Je ferais... Les équipes se font avant la game. Moi, je mettrais le bâton dans le milieu de la glace. Il y en a un avec les yeux fermés, puis... Ça serait tellement drôle. C'est ça que je ferais. Pour vrai, c'était mon idée. Moi, tu fais ça à l'extérieur. Les joueurs arrivent sur la glace avec leur stock. Pas de chandail, parce que les équipes sont pas faites. Puis, aussi simple que ça, ils s'échauffent un peu, ils jouent ensemble, bien le fun. Mettez les bâtons en plein milieu, on fêtait. Like kid on the road. Avoue que ça serait fou. Hein, hey, ça serait cœur, hein, man? Tu te ramasserais avec plein de def d'un bord, mais on s'en fout. Ils joueraient en avant. Ça, il y a une équipe qui a 6 goalers, tu sais. Ah, ouais. Vous autres, je veux pas de goaler. En tout cas, moi, je trouverais ça vraiment cool. Ça serait juste le fun. À la limite, t'en mets un qui est pas un gardien, puis tu le mets dans les buts. Et voilà. Non, mais en tout cas, moi, je trouve que ça te ramènerait justement à l'essence même de le monde. Comment il s'identifierait au sport dans le sens de crime. C'est ça qu'on fait quand on va jouer dehors, tu sais. Ouais, j'aime ça. C'est carrément ça, là. Oh, ouais, moi, j'adore l'idée. Puis tant qu'à faire, tu fais ça à l'extérieur, ben, on s'entend, tu prends un stade, c'est sûr que c'est probablement plus cher, là, mais t'essaies de tirer le monde avec plein d'affaires alentour de la glace. T'as le match qui se passe, puis t'as plein d'autres affaires alentour. T'invites d'autres joueurs, au pire, là, qui sont dehors, puis qui signent des autographes. Le monde se promène partout. Il y en a dans les estrades, il y en a qui se promènent proche de la glace, parce que, peu importe, ils mettent des stands de je sais pas quoi. Tu sais, dans le monde du geekness, là, il y a les Comic-Con, toutes ces affaires-là. Là. Moi, je ferais même, tu sais... Match des étoiles, non, ouais, tu sais, Comic-Con, le monde, faut qu'il se déguise en joueur, puis. Ah, ben, limite, puis. Imagine. Des expositions de telle technologie, de nouveaux bâtons, puis telle affaire, tu sais, avec plein de kiosques, puis là, le monde, ça se promène, pis tu peux rencontrer des joueurs. Tu fais des conférences, genre, Scotty Bowman vient dire comment est-ce que lui, il ferait une ligue à trois trios, tu sais. Non, mais, tu vois, je mets un happening, tu sais. Le gars qui a créé le logo de telle équipe, ben il est là, tu sais. Le masque de telle équipe, de tel gardien de but, man, il vient expliquer comment ce qu'il fait, c'est quoi les techniques. Man, il y a du lore, là. Il y en a des affaires à dire sur le hockey, là. Tu sais, des historiens, puis là, tu fais des conférences. Ah ouais, mais mets le paquet, tu sais. Va en dehors des limites. Regarde plus loin que le bout de ton nez. Ouais, c'est parce que c'est confortable. Ils refont. Mais non, j'aime ça, cette idée-là. Puis en même temps... Tu sais, si t'as plein d'affaires alentour, j'imagine, tu peux faire un concours, je sais pas, le monde qui s'inscrit pour quelque chose, puis apporter votre stock de hockey, ou peu importe, il y en donne, on s'en fout. Ben, why not, là, tu sais, dans le temps, là, dans la NFL, là, t'avais des camps d'entraînement pour les joueurs amateurs, puis tu sais, des fois, ça arrivait qu'il y avait un gars qui avait passé sous le radar, puis il y avait le calibre de la NFL, puis il pouvait signer un contrat. Ben, why not? Genre, le concours des snaps, là, tu fais, genre, des camps de sélection, pis là, le monde de la ville, ils peuvent se pointer, aller snapper. Pis s'il y en a un, man, qui dépasse la barre des 98 miles à l'heure, là, ben, tu le mets dans la compétition avec les autres, là. T'sais, tu sais, ah ouais, make a show, tu sais. Pis s'il bat, s'il bat un gars de la Ligue nationale, il y a un prix de genre 10 000. S'il en bat deux, c'est genre 20 000. Tu sais, il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Tu peux tellement regarder plus loin que le bout de ton nez. Là, comme tu dis, ils sont dans une formule. Ça a toujours été le même. On continue toujours de même. Puis on fait tout le temps la même affaire. Un peu d'innovation, ça vous tente pas, non? Je pense que Batman n'aime pas ça. Et pourtant, Batman, il vient de la NBA, puis de la NBA, il en font des shows, là. Concours de dunk, là, avec les notes, puis tout, là, ils sont en train de le faire un peu avec les échappés au but, là. Mais c'est du spectacle, faut que tu comprennes que it's a show, man. Oui, c'est du sport, là, mais cette fin de semaine-là, c'est du spectacle. Ouais. Fait que oui, on changerait la formule. Un match extérieur avec les bâtons. Puis plein de petits commerces alentours. Ouais, un gros tournoi de hockey-ball, là. Trois par équipe. Puis à la fin, ben, je sais pas, là. Il y a une équipe qui gagne, puis elle, ben, elle est heureuse, là. Juste... C'est un beau pays, ça. J'essaie de trouver une finalité, mais il y en a comme pas. Ça marchait comme plus ou moins. Sinon, bon, écoute, autre sujet. On va y aller avec Jess Chaplot. Grosse question. J'étais vraiment content qu'il nous pose ça parce que ça fit tellement avec l'esprit du show. Il nous dit, vous devez vous choisir un attaquant, un défenseur et un gardien pour bâtir une dynastie. Lesquels vous choisissez? Il dit de considérer le talent, l'attitude, l'âge, le contrat, les blessures aussi, l'historique de blessures. Et lui nous dit, parce que tu sais, il vient pas sur le show, mais il propose des réponses. Lui il dit Stamkos, Doughty et Price. Lui, ça serait son trio, puis il partirait avec ça. Toi, Jerry, comment tu te montrais ça, toi? Ben, moi, quand j'y ai pensé, j'ai fait. À Montréal, ils ont déjà trois joueurs que je considère comme mes intouchables. Là, je parle vraiment juste Montréal. Là. Ouais. Si je serais Bergevin, moi, je construis autour de Galchenyuk, bien évidemment. Oui. Subban mm-hmm. et Price. Ah, bon, je pensais que tu allais dire Tokarski. Voyons. C'est pas vrai. Mais, ça, c'est ce que je ferais si je serais Bergevin. C'est ce qu'il va faire. Oui, effectivement. Soyons francs, là. Mais si je serais all-around la Ligue nationale, bon, mon choix ne change pas autant. C'est Price, encore. Mm-hmm, ouais. Je garde encore Subban. Parce que, encore une fois, Subban, c'est Subban. Quel argument! C'est mon argument préféré ever. Subban, c'est Subban. La seule que je changerais, c'est au centre, parce que Gatchin qui est encore jeune, là, je vois qu'un joueur qui est un petit peu plus vieux et qui a fait ses preuves, ça serait mon capitaine, ça serait mon joueur. Il n'y a pas une historique de blessure immense. Il y a un gros contrat, mais ça, regarde, ça va avec. Il n'est pas si vieux. Et j'ai nommé Jonathan Toews. Leadership, ça, c'est sûr. Leadership, il est quand même très bon. Il est quand même assez complet, à part de se battre, ce qui n'est pas nécessaire, selon moi, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. C'est probablement le joueur le plus complet de la Ligue nationale. C'est pas le joueur qui va te faire 120 points par année comme Crosby, mais là, on parlait de blessure. Crosby, j'ai en fait pas sûr. J'aurais pu nommer Stamkos, mais je sais pas. Jonathan Tay, justement, c'est le petit côté, justement. Il me fait penser à Steve Eisenman. Mais je pense qu'il a déjà été comparé souvent à Steve Eisenman. Ouais. Mais à cause de son numéro, bien évidemment. Mais il y a un petit quelque chose qui fait que ce gars-là, je donne le C sans hésiter. Je sais pas, il est efficace partout. En tout cas, c'est Jonathan Toews. Moi, je me suis fait deux versions. Je me suis fait une version kid puis une version vieux. Ben, dans le ah, sens ben là. Ben là, pas tant vieux, là, mais tu vas comprendre, OK? Ma version kid, OK? McDavid, Ekblad et Allen. Tu sais, tu veux avoir une dynastie pour longtemps, ils sont même pas dans la Ligue nationale encore ou leur première saison, fait que ils sont là longtemps, tu sais. Potentiel de devenir, tu sais, la base d'une dynastie, là, me semble que ça ferait un job. Sinon, dans les vieux, ceux qui sont déjà dans la Ligue nationale établis, j'ai comme deux versions, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Les deux fois, j'ai mis Crosby, parce que tu peux pas avoir un meilleur joueur que ça à l'attaque pour générer des points. Il y a déjà des Coupes Stanley, leadership, tout est là. Oui, il y a l'aspect défensif, mais on va compenser avec un défenseur et un gardien de but qui a de l'allure. Première version, Subban Price. Deuxième version, Doughty Quick, que je mets à égalité les deux packages. Choisissez lequel vous voulez, lequel vous préférez. Mais je les associe de même, de par leur historique ensemble. Ils se complètent bien. Et ça, c'est important. C'est bien beau d'avoir un... tu sais, Martin Brodeur nous l'a prouvé là, tout au long de sa carrière. Là. Lui, là, il manageait défensif. C'était le troisième défenseur. Il pitchait rondelle. la coordination défenseur-gardien de but, c'est primordial pour une bonne relance, pour une bonne stratégie défensive. Et c'est pour ça que je ne mélange pas défenseur et gardien de but d'équipes différentes. Parce que je veux qu'il y ait cette cohésion-là. C'est long à établir. Puis là, ces deux duos-là, ils l'ont. Puis je les mets à égalité. Quick Doughty et Price Seben. Allez-y comme vous voulez. Moi, vous me dites un ou l'autre, j'accepte. J'ai pas de trouble. Ça ressemble quand même pas mal. Ben oui, oui, oui. Oui. C'est la même thématique, c'est les mêmes raisons. Puis c'est pour ça que je le fais de même. Et qu'est-ce que t'en penses de mon trio de jeunes? C'est quand même pas pire, mais écoute, j'aurais dû faire une version moi aussi. J'aurais Vas-y, sur le fly, là. Sur le fly, à l'attaque, moi j'aime bien Tarasenko. Là. Ah, intéressant. Quelque chose, il est gros, il est fort. Ouais, il a du talent, c'est sûr. C'est ça. Pour ce qui est de défensif jeune, tu passes à des noms, ils ne sont pas si jeunes que ça. Jones? J'ai hésité, hein. Ekblad, Jones, j'ai vraiment hésité. Ouais, ben ouais, Jones pourrait être correct, là. J'ai juste hâte de le voir plus. Je sais pas. Il va être mean, lui. Ouais, ben j'espère qu'il va. Il faut qu'il s'inspire de Weber, là. Parce que comme j'ai dit, Weber, c'est. Moi, pour moi, c'est le prototype de défenseur parfait, là. Mais. On le voit, là, cette saison, là. Il y a déjà plus le mort aux dents. Commence à avoir une vraie charpente d'homme. Jones va être quelqu'un tantôt. Ça paraît pas, là, peut-être tout de suite, là, mais. Eh, hey boy, il y a des beaux flashs. Ouais, c'est sûr. Puis, d'un goal, jeune. Moi, j'hésitais Allen ou Vasilevski avec Tampa Bay. Qui, mais c'est parce que c'est le risque de le voir partir en Russie qui m'inquiète. Ouais. Mais côté potentiel, tu sais, Carey Price, là, on disait là, quand il était kid, là, ben, quand il était prospect encore, que sa force était les capacités physiques puis tout ce qui était technique, déconstruction du jeu, la compréhension. C'est quasiment mathématique la façon de garder les buts pour Carey Price. Vasilevski, c'est un peu le même package. Athlétique, il est hyper grand, il est très très fort et il déconstruit le jeu un petit peu comme Price. C'est mathématique sa façon d'approcher côté technique, là, il va être fort. Là. On n'a pas fini d'avoir le lightning d'impact, la gang. Mais j'ai vraiment aucune idée côté goaler. C'est sûr qu'Allen il pourrait être intéressant. Là. Mais genre. Hey, vite de même sur le fly, c'est tough. Je sais pas pourquoi. Ben, il y aura pas de gardien. Non pas de goaler. Moi, j'ai pas encore pêché mon goaler. OK, c'est bon. Autre question, encore une fois, de J.S. Chaplot. Il nous demande, Gary Bettman a envoyé une douche d'eau froide envers Québec en disant clairement que Las Vegas et Seattle passaient devant Québec. Il disait que fallait contrebalancer. Fallait balancer l'Est et l'Ouest. Il y avait trop d'équipes dans l'Est, donc fallait commencer par l'Ouest. Il dit, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire comme dans la NFL, donc l'équivalent de deux ligues séparées, puis peu importe S ou S, on s'en fout, c'est juste la finale qui compte. Est-ce qu'on devrait faire ça dans la Ligue nationale pour ne plus avoir à se questionner S ou S? C'est une bonne question. Vas-y avec ton point, ça va me donner le temps de se penser. Ben, je suis un peu d'accord. Je suis même pas mal d'accord. C'est vrai que ça règle tous les problèmes de S-Ouest parce que les deux ligues ont égal de S-Ouest. Puis il faut que tout le monde voyage. Puis c'est rien qu'en finale, ben, il y a des matchs intra-ligues. Là. C'est comme au baseball, c'est le cas aussi. J'aime beaucoup ça. Ça règle bien les problèmes parce que géographiquement, si je te dise, il y a plus de monde sur la côte Est qui tripe sur le hockey que sur la côte Ouest. C'est plate, là. Mais c'est ça. OK? C'est ce que tu veux. La vie de même, puis Gary Bettman, quand même, qui veulent s'ostiner à dire ouais, il va y avoir du monde qui va aimer le hockey dans l'Ouest. La vraie vie, c'est que oui, tu peux mettre un club, mais si c'est vide, ça va être vide. Tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça, tu feras pas d'argent. Donc, moi, je serais partant pour ça. Mais encore là, comment tu divises la patente? Parce que la ligue est pas montée de même. Depuis l'origine de la NFL, puis de la ligue des ligues majeures du baseball, ben, c'est conçu pour être deux ligues différentes. En réalité, ça n'en est rien qu'une, là, on s'entend, là, mais c'est construit, c'est mindé, c'est pensé comme étant deux ligues séparées. C'est pas le cas dans la Ligue nationale. Fait que faudrait que tu fasses une division des ligues, puis ça, comment tu l'établis, je le sais pas. Pour pas faire des chicanes puis faire plaisir à tout le monde, j'en ai aucune idée. Ouais, ça, c'est à voir au pire en temps et lieu, mettons. Mais ouais, mais je sais pas, mais l'affaire de la géographie pis toutes des équipes, moi je j'haïs pas là, comment c'est fait aujourd'hui, honnêtement, là. C'est plus pour les ajouts d'autres équipes. Je trouve, par exemple, que c'est là que ça l'amène le petit côté difficile. Parce que, bon, comme tu dis, l'Ouest, l'Est, là, je me souviens jamais, c'est dans l'Ouest qu'il y a plus d'équipes, hein, ou dans l'Est? C'est dans l'Ouest qu'il y a moins d'équipes. Ouais, c'est dans l'Ouest qu'il y a moins d'équipes. Fait que, tu sais, comme, justement, s'il voudrait expansionner à Québec, il peut pas le faire. Tu sais, si tu regardes la carte là, de la NFL, là, écoute, 70% des équipes sont dans l'Est. C'est plate, là. Mais c'est la même affaire. Ils ont le même problème. Puis pourtant, c'est un sport qui se pratique autant dans le désert que, tu sais, c'est à la côte Est, là. Il n'y a pas de raison. C'est juste que, côté population, le Midwest, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de place pour avoir des équipes, là. C'est vraiment le long de la côte Ouest, Californie et tout ça, qu'il peut y avoir des équipes. Puis après ça, l'Est est pas mal plus populeux. C'est impossible que tu aies égalité des deux bords parce que c'est sûr qu'il va manquer de monde dans l'Ouest. Il y en a moins. Tu peux pas te battre contre la géographie, là. Ben, tu peux, mais tu vas perdre. Ben, exact. Puis on perd déjà assez d'argent même dans la Ligue nationale à se bondre à faire des équipes à des places que ça n'a pas de bon sens. Pourquoi continuer, tu sais? Fait que moi, je trouve que l'argument, là, c'est complètement de la boîte. Puis oui, je ferais comme NFL puis MLB. Je séparerais ça, puis je diviserais égal-égal S-Ouest. Ouais, égal-égal. Bon, on s'entend, là, tu sais, plus égal entre les deux ligues que, là, actuellement, comment est-ce que c'est, là. Ouais, ça pourrait être une bonne solution. Ben moi, c'est parce que l'Est puis l'Ouest, j'ai pas ça. Puis c'est dans un sens... Là, c'est pas le sens de deux ligues, mais tu sais, les deux parties ont leur trophée pour le champion de leur section. Ouais, mais ils touchent même pas, man. Ouais, j'ai vu de même. Mais c'est quasiment comme ça, c'est juste que c'est pas la même affaire, c'est pas la même mentalité. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est justement c'est du côté géographique, c'est que bon, si on veut expansionner, exemple Québec, c'est clairement dans l'Est, là. Fait que ça en fait encore une autre équipe. Fait que là, si tu veux égaliser, faut que tu fasses. Je sais que là, moi, je parle d'égaliser, là, mais. Mais c'est pour ça que je te dis, si tu mets deux ligues, tu divises la Ligue nationale moitié-moitié des équipes. Puis on rediviser encore S-Ouest, après ça, tu redivises S-Ouest dans ces deux nouvelles ligues-là. Puis merci, bonsoir. Là. Fait que tu vas avoir des équipes qui sont, mettons, à Québec, qui vont être dans la même ligue que Vancouver. Puis tu vas avoir peut-être Montréal qui va être dans la même ligue que, Anaheim. Mais c'est S-Ouest, mais c'est pas la même ligue, ces deux duos-là. Je sais pas. Ben, c'est mon opinion. Moi, je sais pas. On dirait que je suis tellement habitué avec comment c'est fait là. C'est une bonne idée, mais on dirait que j'aime comment que c'est monté présentement. Fait que ça. Ben, en tout cas. Fait que t'es contre les Nordiques, c'est ben, ça? Non, je suis pas contre les Nordiques, pas en tout. Moi, je dirais pas non à ce que ça arrive. Je te mets tellement des mots dans la bouche. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des équipes que moi, je comprends pas, comme Las Vegas, là. Non. Tu sais, le Nevada, là, c'est à côté de l'Arizona. Hein. Ouais. Ça pogne pas en Arizona. T'as fait tranquille. Je verrais pas pourquoi ça pognerait au Nevada. Mais c'est comme je te disais, c'est dans le dernier show, ou en tout cas dans un show précédent, il y a des sports qui naturellement peuvent se jouer genre dans un climat aussi désertique que Las Vegas. Genre le baseball, le basketball, le football. Les gens peuvent se faire des équipes de ça puis jouer même s'il n'y a pas de sport professionnel. Le hockey, c'est impossible dans le désert. C'est impossible. Donc, pourquoi les gens auraient plus d'intérêt pour un sport qui est impossible de jouer dans leur territoire au niveau naturel, là, sur les plans conditions, météo? Pourquoi qu'on aurait ça, ce sport-là, en premier dans cette ville-là, avant des sports naturels de la place? Si les sports naturels ne sont pas impliqués au niveau professionnel à Las Vegas, c'est parce qu'ils doivent se dire que ça ne marchera pas. Pourquoi ça marcherait pour la Ligue nationale? C'est sûr. T'sais, moi, je vois par simple déduction, là, pis ça fait pas de sens d'avoir un club à Las Vegas alors qu'il n'y en a pas au baseball, au basketball, puis dans la NFL. Ouais, mais lui, Batman, il s'entête. Là. Je veux dire, en tout cas. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est en plein. C'est n'importe quoi. Je comprends juste pour. Quand... Tu sais, à la limite, il y a des places que je verrais, c'est correct. Le Seattle, regarde, ça marche, tant mieux. Mais il... parce que ce que j'aime pas, c'est surtout comme qu'il dit, on dirait que il y a des équipes, il y a des places qui passent clairement avant Québec. Quand tu vois qu'il y a de l'engouement pour Québec, hein. C'est sûr que, bon, là, c'est comme tu dis, là je suis au Québec, là, je veux dire, moi, je vais juste au Québec, là, je peux pas savoir l'intérêt qu'il y a pour les Nordiques, mettons, ailleurs, mais je suis pas mal sûr que ça va quand même attirer, là, je veux dire, je sais pas. Même mais encore. C'est sûr que ça remplirait l'aréna du côté de Québec, mais c'est vraiment pour le contrat de télé, là, qu'on s'en fout de Québec, là. Parce que c'est pas une ville américaine. N'importe quelle ville américaine va passer avant dans le contrat de TV pour l'intérêt ouais, mais... là, des diffuseurs que une ville qui remplirait l'aréna dans une place où est-ce qu'on aimerait le hockey. T'sais. C'est sûr, sauf que le contrat de télé, là, je dis, on s'entend que l'équipe qui ça revient, c'est que Québécois qui va l'avoir. Là. Ils ont déjà un contrat de TV. Là, ouais. Pour 12 ans, pour une espèce de paquet de millions. Tu sais, je veux dire, tu rentres en équipe, t'as déjà le contrat de télé. Fait que là, d'un sens, je sais pas, c'est clair que ça va tout jouer à TVA Sport, ces matchs-là. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas, le contrat de TV, je pense pas que c'est nécessairement un argument. Oui, en dehors, tout, on s'en colline. Je veux dire, c'est titre, ça va jouer. C'est local, c'est titre. Les Nordiques vont apparaître ailleurs quand ils vont jouer contre l'équipe locale de l'autre ailleurs. C'est parce que c'est. Le poids des gens, là, la rentrée d'argent dans l'aréna, là. C'est une infime partie des revenus de la Ligue nationale. C'est pour ça que le contrat de télé, il a de l'importance, parce que c'est lui qui génère les revenus. Ah, c'est sûr. C'est ça le problème, c'est que tu peux avoir un aréna vide à une place, ça va être plus payant, vu sa position géographique des États-Unis, qu'un aréna plein à Québec. C'est le monde à l'envers, là. Ouais, c'est spécial. Je connais pas les dessous de la patente, là, mais quand même, en tout cas. Moi, je suis pour un retour des Nordiques, mais je vais continuer à prendre pour Montréal-Paris. Dernière question, Pierre-Yves Giacometti qui nous demande via Twitter, que pensez-vous de la Coupe du Monde 2016? Correct. Je suis pas un grand amateur de l'international, malheureusement. Je suis plus centré Ligue nationale. C'est le fun, par exemple, mais... Ça sonne broche à foin. Ouais, un peu. Ça sonne... tellement broche à foin. Avec une équipe des jeunes, hein, tant qu'à ça, on fait une équipe des vieux, t'sais. Tant qu'à ça, on fait une équipe des 30 ans. Fait, t'sais. C'est quoi, là, on va faire la compétition des âgés, t'sais, selon les groupes d'âge, tu vas être classé dans différentes... T'sais, c'est pas mané, là. Non, c'est n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'il veut comme contrer les Jeux olympiques, parce qu'on s'entend qu'il trippe pas là-dessus. Là. Ouais. Mais j'aime mieux les olympiques que la Coupe du Monde, là. Mais encore là, c'est l'international. Là. Je suis ça, mais je suis pas comme... Tu sais, ça va être les gars éliminés des équipes de la Ligue nationale qui sont dans les playoffs. C'est en plein ça. On vient-tu là ou on attend que les séries soient finies, tu sais? C'est comme la Coupe Spengler. Ouais, qui est comme ça. C'est la Ligue du vieux poil international. Ouais, t'écoutes ça, toi, ça? Non, pas tant, non. Ah, moi, ça me faisait tellement rire. Tu sais, pendant le temps des fêtes, il y avait la Coupe Spengler puis il y avait la Coupe du monde des moins de 20 ans. Là, tu regardes le rêve, tu fais comme « Hey, Canada contre tel », tu fais « Oh, yeah, yeah, je vais aller écouter ça ». Là, tu ouvres la TV, tu fais comme « Ah, oh, shit, c'était pas le bon niveau de hockey ». Je suis tombé sur le Canada contre, genre, Genève, là. Non. Ouais, Genève-Servette. Pas tant d'intérêt. Non, moi non plus. Mais ça va être correct, là, mais c'est, je pense qu'on va attendre un peu plus d'infos, de voir ce que ça va donner, mais je pense pas. Jusqu'à date, là, ça sonne broche à fond et pas, mais vrai, ça... Tu sais, il y a des pays qui ne seront pas là. Comment tu fais pour classer pays? C'est comme pas décidé. Il va y avoir une unification de différents pays. Ouais, mais c'est pas une Coupe du Monde si tu. C'est pas nation par nation. Puis là, tu vois le groupe des jeunes, genre les moins de 24 ans. OK. Mais non, je comprends pas. Là. Les autres, les moins de 24 ans, c'est peu importe la nationalité. Puis là, tu vas avoir genre les Lettons qui vont être avec genre les Slovènes. Et, ouais, mais c'est pas le même pays, là. Ça comme marche pas, là. En tout cas, ouais. J'ai bien de la misère à comprendre. Là. On va répéter ce que tu dis. Hein? Broche à foin. Ouais. Ça a l'air d'une idée genre pour générer une couple de pièces de plus sans s'être vraiment demandé si ça servait à quelqu'un quelque part. Ouais. En tout cas, si vous avez de l'intérêt là-dessus, écoute, dites-nous-le sur les réseaux sociaux. On veut savoir. Nous autres, pour vrai, on est dans le néant actuellement parce que c'est très nébuleux ce qu'on a comme information jusqu'à maintenant. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est ça. Là. C'est pour générer de l'argent avec de quoi pas vraiment nécessaire. Là. Ouais. Non, moi non plus, je trouve pas trop. Là, puis, mon intérêt est moins là, mettons. C'est assez limité l'intérêt. Ouais. Si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux. On a eu une petite question de 1 minute. Ok, ouais. Pendant qu'on enregistrait. Bon. On dirait qu'on est live. encore Jean-Sébastien Chapelot qui nous avait demandé une petite question facile, puis je voulais en parler parce que j'ai comme oublié d'en parler tantôt. Emeline, suspension ou pas? Je me suis branché à la game, le geste était déjà posé. Fait que je peux pas. Moi, j'ai juste vu les conséquences, genre le changement de visage 12 fois de Spezza, là, mais tu sais, j'ai pas vu le geste parce que je me suis branché, genre il était comme 8h15 là, à game, c'était déjà passé. Là. Fait que j'ai pas vu le geste. Ben, en tout cas, tu regarderas dans les highlights, ça passe à TVA, pas à TVA, mais à RDS ou peu importe, là, sur Internet. Non, pas de suspension. Pourquoi? Parce que c'est Spezza qui s'est mis dans la merde. Maudit, j'ai ça. C'est n'importe quoi. Ah non, c'est... Parce que l'affaire, là, je veux dire, Emeline fonce dessus, relax, là, tranquille, il veut le bloquer. Spezza passe en arrière du net, et ce qu'il fait quand il voit Emeline arriver, c'est qu'il s'arrête sur un pied pour tourner de l'autre bord face à la bande. Je sais pas si tu vois bien ce que je veux dire. Pour genre protéger le disque? Ouais, mais c'est parce qu'il est sur un... Il passe en arrière du net de droite à gauche. Là. OK. Il s'arrête en arrière du net parce qu'Emeline s'en vient. Il suit en arrière. Là. OK, ouais. Il s'arrête puis il veut changer de bord face à la bande. Et Emeline, il rentre dedans. On s'entend, là. Il rentre dedans pas vraiment fort, moi, je trouve. Là. Et il rentre dans la bande. Au moment de commencer sa motion, ce que tu es en train de me dire, c'est que le joueur était de face. Le temps que sa motion soit terminée, le gars t'est rendu de dos. Genre. Ouais, genre. OK. Non, c'est. En tout cas, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Là. Je veux dire, c'est Spezza qui s'est mis dans la merde en s'arrêtant, en tournant sur un pied. Je veux dire, c'est quoi tu l'as faire? Là. C'était clair que t'allais rentrer dans la bande. Emeline est tellement en arrière. C'est pas un hit sale avec le bâton. Puis genre, qu'il l'étende de tout son long. Puis que lui-même, il rentre dans la bande parce qu'il veut l'écraser. Là. Ouais. En tout cas, c'est... tu iras voir. Puis moi, je trouve que non. JS, pas de suspension pour Emeline. Puis s'il y en a une, je vais être en tabarnak dans le prochain jeu. Ah, mais là, on va pas dire la Ligue nationale est contre le Canadien de Montréal. Bon, c'est pas nécessairement, là, mais les arbitres sont assez dégueulasses. Ouais. Disons qu'on le surveille pas mal, Emeline. Ouais. Ce genre d'affaires-là. Mais bon. Bon, ben écoute, JS, merci pour tes 12 000 sujets. Maintenant, tu viendras sur le show. On dit ça, mais nos horaires sont tellement compliqués que juste nos deux, toi et moi, Jerry, c'est déjà compliqué. Fait qu'imagine rajouter une troisième variable. Ah, on pourrait. On va s'arranger un moment donné. Vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux? On vous en a parlé à quelques occasions durant le show. Ben, sachez que c'est possible. Facebook.com/ Hors-jeu podcast. Aussi sur Twitter, @Hors-jeu podcast. Hors-jeu, c'est tout dans un mot parce que nous autres, la française, on la manipule comme on veut. Parce qu'on est de même, nous autres, hein, on se permet. Donc, venez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous voulez nous envoyer des messages, c'est facile. Hors-jeu podcast @gmail.com, c'est notre adresse courriel. Et ben, c'est pas mal ça pour ce qui est de hors-jeu. Par contre, chacun des deux individus qui composent ce duo internationalement reconnu pour leur connaissance en hockey, moi et Jerry, nous sommes rejoignables aussi sur les réseaux sociaux. Jerry, où est-ce qu'on te retrouve? Ben, vous pouvez me retrouver sur Facebook, c'est assez facile, vous rentrez mon nom. Donc, Jerry Goodbout, c'est moi. Donc, si vous voulez parler de hockey, pas de trouble, de tout ce qui est geek aussi. Parce que, justement, je suis sur un autre podcast qui s'appelle Les Geeks sont parmi nous. Donc, plus quelque chose qu'on parle de films, de jeux, et de tout le tralala geek du monde geekdom. T'es-tu vraiment encore sur le show? Oui! Oui, je suis sur le show. Parce qu'on a deux sections au show. Faut pas le prendre perso. Que lui, j'apparais un peu moins parce que c'est ça. Pas le temps. Puis il y a la version originale de base là, que lui j'apparais quand je peux. C'est sûr que c'est comme tu le dis, hein, moi pis toi on a de la misère à concorder nos horaires. Là, c'est la même chose pour trois, hein, avec les trois gars. Là. Fait que tu sais, des fois, ils peuvent, moi je peux pas. Je dis, ah, allez-y, c'est pas grave, je vais revenir. Puis sinon, j'apparais moi au moins une fois par mois dans la zone fanfilm sur le podcast et Gumballoon. Donc où on parle de fanfilm. C'est ça. Ça le dit pas mal dans le titre, hein? C'est ça. Fait que si vous aimez les fanfilms, des petits films créés par des fans sur un thème geek. D'ailleurs, j'ai arrangé l'intro de la chronique qui distorsionnait parce que le son était très saturé. Je voulais que ça allait du poids, mais c'était comme une coche de trop. Fait que j'ai arrangé ça. Là, la prochaine fois, ça devrait bien sonner. C'est bon. Je m'excuse. C'est correct. Moi, je te pardonne. OK. Moi, ben, je suis rejoignable sur Facebook, JB Gagné. Vous voulez jaser de hockey? Ajoutez-moi sur Twitter, @gangj_B. Et c'est pas mal ça. Ça fait le tour. Je suis l'animateur de La Réalité Augmentée. Show sur tout ce qui est geek, jeux vidéo, cinéma et même vraiment un reportage sur la réalité augmentée. Oui, oui, pour une fois, je participe à une expérience à l'Université du Québec en Outaouais cette semaine. Aïe, aïe, j'avais mal à la tête. Mais en tout cas, je vous parle de ça sur le prochain show. Soyez au rendez-vous. Pour une fois, on va parler du sujet dont le show est nommé de... Cool, hein? Ça prenait 100 shows pour que finalement vous embarquiez enfin. Dans votre thème. Enfin! Non, c'est une prémisse. On est bon, c'est préliminaire. C'est un méchant prologue, ça là. Exactement. Donc, je suis là-dessus avec Luc Desomeaux et Daniel Carosella pour votre plus grand plaisir. Et comme Monsieur Malheur. Donc, et comme Jerry vient de le dire, on vient de célébrer notre 100e show. Donc, vous voyez, on a de l'expérience. Nous sommes compétents. Tu peux okay. Un peu de criquet là-dessus. Ou peut-être pas. Donc voilà, c'est ce qui complète pour l'émission de cette semaine de Hors-jeu. On se revoit à un moment donné. On va essayer la semaine prochaine. On va essayer. Merci Jerry d'avoir été là. Ce fut encore une fois un plaisir de faire ça avec toi. Moi aussi, comme toujours. Bye bye. Bye là. Salut. Tom, la tourne en fait que c'est ça! Hey, ça a pas planté! Hey, on l'a eu! Bon, ton Skype a planté, là, fait que c'est.